Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 33. Je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite aussi à vous enregistrer, à participer au forum Europe Écologie Lesbrun, EELB.SU, pour échanger avec différents membres qui s'y trouvent déjà sur des sujets d'actualité, des sujets de fond, des sujets historiques et bien d'autres. Hein. C'est un point de rencontre et aussi pour commenter les articles qui sont publiés sur Démocratie Participative. Enfin, si vous le souhaitez, je ne saurais trop que vous y encourager, vous pouvez vous enregistrez sur le réseau social gab.com, qui ne pratique pas de censure. C'est particulièrement appréciable en cette période, de persécution. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avant de parler des dons, je vais présenter les membres de cette semaine. Nous sommes avec une équipe réduite. Je vais commencer avec Porovitch, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous cette semaine. Comment vas-tu, cher Porovitch ? Shalom alaikum à tous. Je vais très bien. Et puis, j'ai envie de dire Ich bin ein Berliner. Bon, enfin, on va en reparler après dans l'émission. Oui. Tu as tout à fait raison d'en faire mention. Fulbert est aussi avec nous. Comment vas-tu, cher Fulbert ? Ah ben, Fulbert va bien, merci. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Enfin, notre ami Derek nous retrouve cette semaine. Comment va-t-il, notre ami Derek ? Écoute, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Derek va très bien. Le temps est à nouveau propice à la civilisation, donc voilà, nous portons bien. Alors, j'aurai de la matière pour toi cette semaine, rassure-toi. Ah, oui. De manière pour le culte, du coup. Hein, pour donc, le culte. C'est à part, hein, la civilisation d'un côté, le culte de l'autre. Hein. Nous allons parler théologie. Alors, oui. Avant de commencer l'émission, je vais procéder au remerciement pour nos donateurs, ceux qui nous soutiennent depuis, soit depuis longtemps, soit des nouveaux donateurs. Don numéro 1, bonjour, pour fêter le refroidissement de ces 7 juifs. Par le héros Kyle. Je vous fais mon premier don Monero aujourd'hui, d'une dizaine d'euros, dans quelques heures, le temps que mon compte soit vérifié. Merci, si possible, de me confirmer que vous l'aurez bien reçu. C'est la première fois que j'utilise ce système. Alors, on confirmera, bien évidemment. En vous remerciant pour vos savoureuses émissions, ainsi que pour votre excellent dernier article sur la nécessité d'une dictature du prolétariat blanc, que tout le monde, auditeur ou pas, devrait lire. Si Kyle, c'est signé Eren Yeager. Je te remercie beaucoup, Eren Yeager. Don numéro 2. Bonjour, messieurs. Je viens de vous faire un don d'un demi-modéro cet après-midi. Salutations à toute l'équipe de DP. Bonne soirée. Et c'est un Lyonnais, on le connaît, hein, c'est un mécène. C'est grâce à lui aussi qu'on peut continuer. Et à toute une série comme ça de donateurs très réguliers. Don numéro 3, un demi-monero encore, bonne rentrée à toute l'équipe et aux auditeurs, et c'est Mélas Autocrator aussi, que nos auditeurs connaissent forcément, puisqu'il nous a déjà donné à de nombreuses reprises par le passé. Et enfin, don numéro 4. Bonjour à tous, chers démocrates. Donc, vous trouverez sur votre wallet quelques cyber Reichsmark. Pour ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies, la bonne solution est de créer un compte sur PayPal ou sur une néobanque, puis d'acheter directement à des particuliers sur des plateformes décentralisées comme Local Monero, Bisc ou Agoradesk. Avec cette méthode, il n'y a pas d'envoi de documents nécessaire, pas de fichage aux administrations fiscales et la réception se fait plus rapidement. Salutations participatives et c'est RageMod. RageMod qui nous avait aussi déjà fait des dons par le passé et donc qui a trouvé un système qu'il suggère aux uns et aux autres. Vous pouvez aussi en parler. Je sais que par rapport au don Bitcoin, il y a quelques membres du forum qui posent des questions en ce moment, donc vous pouvez vous y référer, soit pour aider nos auditeurs à y voir un petit peu plus clair, soit pour poser des questions. Voilà. Voilà qui est. Les dons en Monero, tu veux les dire. Les dons en Monero, oui, c'est bien sûr, les dons se font exclusivement en crypto-monnaie Monero. Pourquoi cette crypto-monnaie? Je le dis souvent dans l'émission, mais bon, il faut le rappeler encore et toujours. Hein, c'est parce qu'elle garantit l'anonymat de la personne qui fait le don, qui envoie l'argent, tout comme l'anonymat de la personne qui reçoit le virement. Et le montant reste aussi à la discrétion des deux parties. Donc c'est extrêmement intéressant en ces temps de surveillance généralisée. Et comment on dirait, c'est ce qui permet en fait à notre média clandestin et interdit sur le territoire français par le gouvernement juif d'opérer. Donc, il faut passer par là, et je ne saurais trop conseiller à d'autres sites, médias alternatifs ou que sais-je, de recourir de plus en plus au Monero et de familiariser un nombre grandissant de gens à son utilisation. Voilà, c'est ce que je recommande très vivement. C'est très efficace. Alors messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Commençons cette émission. Rubrique numéro 1, mystère de l'Éternègre. Alors, cardinal, je vous avais dit que nous aurions besoin de vos éclaircissements concernant eh bien, toute une série de choses qui se passent, à un rythme d'ailleurs toujours plus soutenu en France, et pour lesquelles nous n'avons pas nécessairement les clés de compréhension. Alors, ouvrez grand vos oreilles et aidez-nous. Alors, c'est un article d'actu.fr, c'était cette semaine, hein, bien sûr. Hein. Le drame s'est déroulé au cours de la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020, au sein du centre d'hébergement des Villageoises, rue de la Justice Mauve à Cergy, dans le Val-d'Oise. Il est aux alentours de 4h du matin lorsque le gardien alerte les policiers pour leur signaler qu'une résidente du foyer s'est enfermée dans sa chambre après avoir lancé qu'elle allait tuer son enfant. L'homme précise aux forces de l'ordre que la jeune femme de 19 ans souffre de troubles psychiatriques, tandis que des résidents tentent d'intervenir en forçant la porte du logement en vain. Sans perdre de temps, une patrouille de police est envoyée sur place. À l'arrivée des fonctionnaires, la maman est toujours retranchée dans sa chambre. Les policiers enfoncent la porte et découvrent dans la salle de bain la femme en train d'étrangler sa petite fille avec un linge, tout en criant « Jésus de Nazareth !» selon le rapport de police. Les membres des forces de l'ordre interviennent aussitôt et prennent en charge la fillette, toujours consciente. Après avoir reçu les premiers soins, l'enfant a été évacué en urgence vers le centre hospitalier de Pontoise. Ses jours n'étaient pas en danger. En crise, la mère a été maîtrisée par les policiers avec l'aide des pompiers. Elle a également été transportée à l'hôpital afin d'être internée en psychiatrie. Alors, cher cardinal, cher Derrick, est-ce que tu as une explication à nous fournir pour ce fait divers qui est donc arrivé dans le Val-d'Oise, à Cergy? Peut-être que tu pourrais nous éclairer. Jésus de Nazareth, aurais-tu des apparitions? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me demande, qu'est-ce qui, parmi cette nouvelle, t'a fait penser que l'Éternègre était partie prenante de cette affaire? Alors, en fait, déjà, ce qui m'a fait dire, par évidence, que ce n'était pas une musulmane... Jésus de Nazareth, bon, déjà, bon... Ça, certes. Ça, c'est dingue. Voilà. Ensuite, Ça se passe dans la banlieue parisienne, mais dans des zones qui sont déjà connues pour être à forte concentration subsaharienne. Et Sergi en fait partie. Voilà, ça c'est de deux. Donc Jésus de Nazareth, Sergi... Étranglement, oui. Nouveau-né, puis... déjà, c'est-à-dire qui fait des enfants dans ces coins-là. Oui, c'est une mère isolée, elle a 19 ans, elle a déjà un moutard, bon. Tout ça pointe quand même vers une seule direction, mais je crois que tu as peut-être un élément qui aurait échappé à ma sagacité. Non, mais c'est bon, je voulais un petit peu te faire développer le... Ouais. Enfin, le synopsis, oui. Mais oui. Bon, c'était cousu fil blanc. À peine ai-je découvert cette nouvelle, bon, c'est qui aurait pu être joyeuse parce qu'apparemment le nouveau-né a survécu. Bon, c'est dommage. À peine ai-je eu cette nouvelle qui peut hurler Jésus de Nazareth dans une ville d'Île-de-France en étranglant son nouveau-né? Bien entendu, la réponse c'est le nègre. Enfin, d'autant que nous sommes dans un foyer c'est une institution publique qui s'occupe de mères isolées en banlieue parisienne. Bon, voilà, on a compris quoi. Voilà. Mais oui, tout à fait. Il n'y a pas la nationalité, dommage. C'est pas précisé, mais j'aimerais bien savoir. Il faudrait prendre cet article-là et faire des sondages. S'il y a des gens qui ont du pognon à dépenser. Ouais. Auprès de 1000 personnes, vous prenez quelqu'un, vous lisez cet article. Ouais. Et vous lui demandez à la fin quelle est la selon vous, ouais, quelle est l'origine de du machin, hein, de l'animal en question. Moi, je pense que ça serait intéressant de le savoir. Ça permettrait d'avoir une idée de l'éveil ou de l'endormissement, peu importe. Des Français à l'instant T. C'est pas faux, ça. Je pense que ça peut être un test assez intéressant. T'as les tâches de Rorschach, tu vois. Tu as cet article-là, tu dis, tu lis. Est-ce que tu sens le nègre? Oui, non. Si tu sens pas le nègre, c'est que t'as un problème. Hein. Ça va pas. Il va falloir faire quelque chose. Peut-être un test à opérer aussi par sexe. Hein. Je crois que ce serait très intéressant. Par sexe, par âge, oui. C'est quelque chose à développer sur un panel d'au moins 1000 personnes, hein, pour être représentatif. Ouais. Donc voilà, c'est ce que cette affaire qui touche au divin, encore une fois, m'inspire. Oui, bah là on est dans le divin, Jésus de Nazareth, il y avait peut-être une espèce de... L'éternègre, Jésus, il y avait un côté Nouveau Testament, hein, comment dire, Hérode un peu, hein, voilà, tuer les nouveau-nés, c'est peut-être le Messie. Peut-être. Ah, c'est peut-être le Messie qui a été sauvé à la faveur de cette intervention très, très preste d'ailleurs de la police et des pompiers, hein, qui ont sauvé donc une ou un négrillon, il en manquait. Ah oui. Enfin, ça sent le maraboutage aussi un petit peu, non? Ah. Parce que le marabout a sans doute dit, voilà, écoute, tu étrangles ton gosse en criant Jésus de Nazareth et tu atteindras la célébrité. Ah ouais, dans la musique. Ou dans la presse, tout ça, dans les faits divers, simplement. Alors... Ouais, enfin, c'est possible, mais j'avais suivi cette histoire effectivement dont vous avez parlé la semaine dernière. Mais pour les grosses mamas qui flippent comme ça, Bon, c'est la nature, tu dis, c'est la nature profonde de la négresse qui s'exprime, quoi. Oui, voilà. Enfin, faut pas chercher plus. Enfin bon. Faut pas chercher de complot partout. Pas de complot divin partout. Faut... voilà, il faut quand même voir qu'on a, enfin, c'est, nous avons pas affaire à des êtres humains, nous avons affaire à des bestiaux, là, c'est pas, ce ne sont pas des êtres humains, voilà, c'est pas, ça fonctionne pas comme nous. Donc, c'est grégaire, Jésus de Nazareth, j'étrangle mon nouveau-né, bon, ce sont des choses normales, pour ces créatures-là. C'est bon, ils vont chercher le pain, ils étranglent leur gamin, malheureusement, l'homme blanc est là pour les empêcher de procéder à cette routine à laquelle ils se donnaient depuis des millénaires. Mmh. Voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de mères africaines qui fassent, qui essaient d'étrangler leur progéniture. Ça serait bien pour l'humanité tout entière. Et là, ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est plutôt le contraire, hein. Ils en produisent beaucoup plus. Alors, ouais. Messieurs, rubrique numéro 2, parce que bon, c'était évidemment anecdotique, mais très marrant quand même à mentionner, hein, quand même, Cergy. Donc, pour les touristes, hein, si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous allez à Cergy-Pontoise, découvrir des très belles choses. Rubrique numéro 2, la sale négresse de la semaine. Alors là, c'est Daniel Obono, hein, haut la main, qui remporte le concours. Et je dois dire avec un certain courage de notre part, puisque c'est vraiment contre tout le monde que nous désignons Daniel Obono, député d'origine gabonaise de la France insoumise, se décrivant d'ailleurs elle-même comme noire et africaine et afro-féministe, je cite, que nous lui remettons cette magnifique récompense donc de sale négresse hebdomadaire. De haute lutte, hein, de haute lutte, mais bon, il faut bien l'accorder à quelqu'un. Mais encore une fois, c'est contre l'unanimité du jury populaire. Hein. Parce que là, on va. Ah bah là, on a tout le monde contre nous. Hein. Tout le monde contre nous. Alors nous avons toute la démocratie. Hein. Toute la démocratie, toute la République. Ouais, toute la République. Alors, un article de 20 minutes qui résume à peu près la situation pour ceux de nos auditeurs qui auraient loupé un épisode. Alors, la condamnation est unanime. Les voix des politiques de tous bords se sont élevées ce samedi jusqu'au président de la République pour dénoncer la politique fiction du magazine conservateur Valeurs Actuelles sur la députée LFI Danielle Obono dépeinte en esclave. Le magazine a publié cette semaine un récit de 7 pages dans lequel Danielle Obono, dépeinte avec un collier en fer au cou, expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage au XVIIIe siècle. Le chef de l'État Emmanuel Macron a appelé la députée samedi pour lui faire part de sa condamnation claire de toute forme de racisme, a indiqué l'Élysée, dénonçant une insulte à ses ancêtres, à sa famille et à la République. Danielle Obono a dit samedi soir sur BFM « Réfléchir à porter plainte ». Cette publication est, selon elle, une souillure qui ne s'effacera pas, mais surtout l'aboutissement d'un acharnement médiatique contre elle. La députée demande des actes. Ça fait 3 ans qu'on alerte sur le fait qu'il y a un processus de racialisation, de racisme dans son pays, aussi peut-être d'ailleurs, a-t-elle ajouté. Dès vendredi, elle avait dénoncé sur Twitter une merde raciste dans un torchon, accusant l'extrême droite odieuse, bête et cruelle, bref, égale à elle-même. Le Premier ministre Jean Castex a déploré sur Twitter une publication révoltante qui appelle une condamnation sans ambiguïté, assurant partager l'indignation de la députée et l'assurant du soutien de l'ensemble du gouvernement, rien de moins. La lutte contre le racisme transcendra toujours tous nos clivages, a ajouté le chef du gouvernement. Le racisme est un mal nocif, il détruit. Il est un délit, a aussi rappelé la ministre déléguée à la ville, Nadia Khaï, sur le réseau social. On est libre d'écrire un roman nauséabond dans les limites fixées par la loi. On est libre aussi de le détester. Moi, je le déteste et je suis à vos côtés. Comment dirais-je ? Et ça, c'est Dupond-Moretti qui écrit ça sur Twitter. Donc là, ça fait du monde. Hein. On a le président de la République, le Premier ministre, on a Dupond-Moretti. Darmanin aussi d'ailleurs a protesté, ministre de l'Intérieur, toute une série d'autres, réprouvant vivement un cortège de haine. Comme l'ont déjà expérimenté beaucoup de responsables politiques noirs ou d'origine maghrébine ces dernières années, l'association SOS Racisme a indiqué étudier les suites judiciaires envisageables. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'était élevé contre un harcèlement nauséabond envers la députée. Mais a répondu le magazine d'opinion sur Twitter, il s'agit d'une fiction mettant en scène les horreurs de l'esclavage organisées par des Africains au XVIIIe siècle. Terrible vérité que les indigénistes, dont, courant auquel appartiendrait, donc les allogénistes, hein, courant auquel appartiendrait Daniel Obono, ne veulent pas voir. Sur BFM TV, Tuc Dual Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, a fait amende honorable. On comprend, avec la charge symbolique extrêmement violente de cette image, que Daniel Obono soit choqué. On s'excuse auprès d'elle à titre personnel, a-t-il dit, assurant que son journal n'était pas raciste. L'objectif était de faire une fiction, certes complexe, certes tirée par les cheveux, peut-être malvenue, peut-être malaisante, mais jamais malveillante et jamais méchante, a-t-il affirmé. Un responsable du Rassemblement national, Valéran de Saint-Just, a condamné sur Twitter la publication d'un mauvais goût absolu. Le combat politique ne justifie pas ce type de représentation humiliante et blessante d'une élue de la République. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a critiqué une ignoble représentation d'une parlementaire. Tout mon soutien personnel est celui de l'Assemblée nationale face à ces abjections, a-t-il tweeté, suivi par de nombreux députés de tous bords. Samedi soir, les militants de la Ligue de défense noire africaine, donc un groupe suprémacistes noirs, se sont introduits dans les locaux de Valeurs Actuelles pour dénoncer l'incitation à la haine anti-noire, selon une vidéo qu'ils ont diffusée sur Twitter. Les locaux étaient désertés par les employés du magazine pendant l'intrusion, selon ce mouvement qui se présente comme défenseur des droits des afro-descendants et des Africains. Ça, c'est sur 20 minutes. Alors, ils sont un peu plus explicites quand même, ces intervenants. Je vais vous en mettre un extrait et on se retrouve tout de suite après. Presse d'extrême droite financée par les fachos, ceux qui se pensent supérieurs, ceux qui pensent que la France est à eux. Et on vous dit que dorénavant, sur le terrain, c'est nous. Mbappé, c'est nous. On occupe maintenant la France de Claudio, le chevelu, De Gaulle, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est la France de la LDNA. D'accord? Tant que vous allez laisser vos bases militaires, vos chefs d'État piller le continent africain, il ne faut plus vous plaindre de voir des Noirs, des Africains venir chez vous. Qui sème la colonisation récolte l'immigration. Donc, Valeurs Actuelles. Nous allons revenir lundi à 15h devant, à Valeurs Actuelles, leur demander des comptes pour une deuxième fois. Puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu le courage de rester en nous voyant et qu'ils ont préféré fuir les lieux, nous allons revenir lundi. Peut-être comme ça, ils auront le temps de digérer. Alors, messieurs, donc la France, fin août 2020, est préoccupée au plus haut niveau de l'État. Vous l'avez compris, non seulement le gouvernement, le chef de l'État, la majorité du Parlement, mais aussi la totalité des médias et encore beaucoup d'autres membres de la classe politique, des commentateurs divers et variés, sont inquiets. Ils sont inquiets. Quelque chose de grave, d'extrêmement grave, est arrivé dans le pays qui justifiait une telle mobilisation. Et cette chose très grave, c'est que dans une espèce de nouvelle fiction parue dans un journal de centre-droit, est mise en scène donc Daniel Obono, hein, une militante effectivement racialiste noire. Elle est mise en scène et on lui met des chaînes pour l'interroger sur ce qu'elle ressentirait si elle avait été réduite en esclavage comme d'autres noirs par ses frères d'Afrique. Parce qu'effectivement, dans l'histoire de la traite négrière transatlantique, les premiers pourvoyeurs d'esclaves étaient par définition d'autres noirs. Alors donc c'est une interrogation à caractère philosophique, voilà, et qui est agrémentée pour donner plus de pertinence et aussi plus de ressemblance à la vérité, pour donner un caractère plus vraisemblable à cette fiction, eh bien, c'est agrémenté effectivement d'un dessin où on la voit portant les chaînes, voilà. Alors donc c'est très grave, et la mobilisation est complète. Alors je me tourne vers vous, chers amis, est-ce que vous êtes scandalisés, outrés? Est-ce que comme vous, vous pensez que la France doit s'arrêter? Est-ce que vous pensez que c'est une priorité gouvernementale? Je pense que oui, le contraire m'étonnerait. Enfin bon, je vous donne la parole. Bon écoute, moi ça va, je vois pas le problème, non. Bah, c'est un peu court, tu dis c'est pas le problème. Pourquoi c'est pas le problème? C'est factuel, voilà, les Noirs étaient des esclavagistes, ils ont réduit en esclavage d'autres Noirs. Je trouve que l'idée de mettre Obono en scène, puisque elle-même fait du commerce antiraciste, ce qui est une sorte de prolongement finalement. Non, ça me paraît très pertinent. Je tiens à saluer l'audace. Inhabituelle d'ailleurs de valeur actuelle, pour très très, très, très bonne initiative. Bon. Ouais, alors c'est une audace, on va dire. Mesurée. C'est une semi-audace pour des semi-habiles, hein, qui joue avec le feu, qui sont partie prenante de certaines entreprises, hein, qui les regardent. Moi, j'ai quand même du mal à voir ces gens-là. Ça beau pas être des gens de chez nous, j'ai quand même du mal à voir ce que... ne serait-ce que les gens de valeurs actuelles, mais alors tout le monde politique français, de Mélenchon, du coup... à Marine Le Pen, donc toute la démocratie autorisée par la République, qui est là, qui va à la messe pour communier autour de cette négresse putride. Ça pue, hein, tout cela m'inspire. Hein, le dégoût d'un pays qui est, ma foi, tombe de plus en plus au niveau des nègres. Hein, effectivement. Hein, peut-il tomber encore plus loin, je ne sais pas, mais là, on est quand même à des niveaux assez impressionnants. Et puis, par ailleurs, il faut bien se dire que à partir du moment où elle avait ouvert son pot à la télévision pour défendre ceux qui niquent la France, elle aurait déjà dû être chargée de chaîne depuis ce moment-là. En du moins, dans n'importe quelle société africaine, on l'aurait chargée de chaîne. Oui, parce que, comment dirais-je, elle avait signé une tribune défendant le droit au groupe Zebda, donc un groupe... Un groupe du sud-ouest composé essentiellement de maghrébins très, très haineux, plus ou moins d'ailleurs dans la mouvance gauchiste, voilà, et puis il chantait une chanson qui s'appelait Nique la France, et donc elle trouvait que c'était très très bien. Et quand on lui avait demandé elle avait été interrogée par les journalistes, est-ce que vous arriveriez à dire Vive la France? On lui a posé la question juste après son élection en tant que députée, et elle n'était pas parvenue. Elle était là. Non, ce n'est pas parvenu à le faire. Alors, cette Gabonaise, en fait, n'a pas la reconnaissance du ventre. Et en fait, comme tous ces nègres ingrats, en fait, qui considèrent que tout leur est dû. Alors, j'ai envie de revenir sur la question. Alors, peut-être pour aller vraiment creuser en profondeur tous les tenants et les aboutissants de cette séquence, qui peut paraître un peu anodine, mais qui, en fait, en dit beaucoup, vous pouvez vous reporter, effectivement, à un article qui a été publié sur Démocratie participative et qui s'intitule La dictature du prolétariat blanc. Là-dedans, vous avez une analyse en début d'article sur cette question et donc qui étudie pourquoi soudainement le gouvernement français se mobilise en intégralité, pourquoi tout l'établissement politique et tout l'établissement médiatique se mobilise, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, je vais donner quand même quelques éléments de réflexion, peut-être quand même pour nos auditeurs, sans vouloir bien sûr être exhaustif parce que ça nous mènerait trop loin, mais on peut dire quand même que c'est quelqu'un qui d'abord se revendique de l'afroféminisme et de l'intersectionnalité. Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est que l'intersectionnalité. D'abord, c'est un terme assez barbare, il faut bien le reconnaître, et c'est une forme de néologisme qui est surgi ces dernières années en France, en tout cas dans la sphère politique, et qui fait des émules, et notamment dans la population d'origine immigrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, il y a une nouvelle gauche qui émerge, calquée sur la gauche américaine, et qui est une gauche que certains qualifient d'identitaire, d'autres vont dire d'essentialiste. En tout cas, c'est une gauche qui s'appuie sur des catégories, qui sont des catégories qui ne sont pas du tout les catégories traditionnelles de la gauche française, et même de la gauche classique, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas sur des catégories sociales, donc liées à leur position dans la société au regard de leurs conditions objectives d'existence, notamment en termes de revenus, d'accès au logement, d'accès à l'éducation, aux soins, etc. Donc c'est une interprétation complètement nouvelle qui conserve de la dialectique marxiste le rapport entre les oppresseurs et les opprimés. Sauf que cette grille de lecture ne se fait plus sur une base de revenus, comme je l'ai dit, sur le rapport entre le capital et le travail, pour reprendre une formule célèbre, mais sur ce que l'on est, c'est-à-dire est-ce qu'on est un noir, est-ce qu'on est une femme, est-ce qu'on est un homosexuel, est-ce qu'on est un transsexuel, etc., etc., un juif éventuellement aussi, un musulman, voilà. Et là-dessus, sur cette réinterprétation de ce qu'est la domination ou l'oppression, figure, j'allais dire, dans l'enfer de Dante, hein, comme figure de détestation universelle, l'homme blanc, hétérosexuel, possiblement chrétien. Voilà, ça c'est vraiment le pire du pire du pire, et tout est construit en opposition à cette figure. Voilà, donc Daniel Obono, en fait, est quelqu'un qui a décidé de, par mimétisme, de reprendre ce qui se fait déjà aux États-Unis depuis déjà plus de 50 ans, et que je viens de décrire, mais elle cumule les qualités. Et il faut savoir que ces réseaux, qui sont instrumentalisés donc par la gauche bourgeoise américaine, c'est sur tous les grands campus américains, eh bien ces réseaux peuvent être cumulés. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous revendiquer du féminisme. Si vous êtes une femme noire, vous pouvez vous revendiquer du féminisme, c'est-à-dire du fait d'être discriminée en tant que femme, mais aussi discriminée en tant que noire, donc là c'est un avantage certain. Si par ailleurs vous êtes homosexuelle, c'est-à-dire lesbienne, c'est-à-dire vous êtes une lesbienne noire, vous pouvez encore vous dire discriminée en tant que minorité sexuelle, voilà, sans d'ailleurs avoir à prouver quoi que ce soit, c'est tenu pour vrai. Et ça vous donne accès à toute une série de réseaux organisés qui vont plaider votre cause, surtout si vous agissez dans le cadre politique et que vous êtes un élu, une députée comme c'est le cas ici. Donc en fait, ce qu'on voit se dérouler, c'est progressivement l'américanisation de la gauche, tout simplement, et que Daniel Obono devient, non pas par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle est, une vache sacrée, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, pour ce nouveau système qui est une colonisation mentale, mais qui s'explique très bien depuis la gauche juive américaine qui promeut son propre dispositif. Et donc il devient très compliqué aujourd'hui de critiquer une lesbienne, de critiquer une femme noire, bien sûr, vous avez compris. Et alors ça devient impossible quand ces catégories sont cumulées sur un même individu. Voilà. Donc j'ai été un peu long, mais c'est ce qui explique cette crise totale et pourquoi il est devenu totalement impossible ne serait-ce même que de formuler un début de critique contre ces personnes-là. Alors, je précise, parce qu'on pourrait se dire, bon, d'accord, la gauche française s'acclimate, la gauche française adopte les codes qui viennent d'outre-Atlantique, et de la même façon pour Macron et pour sa clique. C'est vrai, on pourrait dire ça comme ça. Mais vous avez remarqué, c'est dans l'article, le Rassemblement National aussi se situe sur cette ligne, puisque Valéran de Saint-Just, fin de race issue de l'aristocratie, a jugé utile de porter caution à cette espèce de farce médiatique en disant, voilà, c'est inadmissible, c'est intolérable que dans la France de 2020, submergée par l'Afrique entière et menacée de disparition par des sauvages nègres qui violent des petites Françaises et dont tout le monde se fout, c'est quand même insupportable que quelqu'un fasse une comparaison très lointaine avec ce qui a pu se passer dans le passé, simplement pour démontrer son point de vue dans un magazine qui n'est lu par pratiquement personne. Ouais, c'est quand même scandaleux, et Valéran de Saint-Just, hein, quelqu'un qui est rémunéré aussi par les Français, ou l'a été très longtemps, estime de son devoir de se coaliser non seulement avec Macron, non seulement avec la France insoumise, mais avec toute la négraille surexcitée qu'on trouve sur Twitter. C'est très particulier, j'ai toujours trouvé ce personnage particulièrement répugnant, mais je le trouve encore plus répugnant. Ceci étant dit, il n'a pas été désavoué par Marine Le Pen, il n'a pas été désavoué par les autres, ce qui veut dire que, somme toute, ces gens-là partagent l'indignation. J'en finirai, je vous donne la parole, qu'il a justifié son soutien en disant que c'est une élue de la République. Visiblement, il y a là une famille, pour ne pas dire une mafia, qui bénéficie d'une impunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans le régime, en tant qu'élu, hein, vous êtes un fonctionnaire élu du système, l'impunité prévaut et il doit y avoir une solidarité absolue. C'est encore pire, c'est-à-dire que ces gens-là sont des arrivistes, ils ont toujours voulu en être, on leur a filé des miettes. Hein. Je pense pas que Valéran de Saint-Just soit... Et quelques fonctions officielles, enfin, en tout cas électives. Il a toujours perdu, hein, en se présentant à l'Île-de-France, c'est somme toute assez normal. Ils sont dans le plus grand respect par rapport à la République. Et la République a son totem, c'est-à-dire le nègre. Donc ces gens-là sont les serviteurs les plus zélés parce qu'ils veulent en être, ils veulent croquer. Ouais. Il y a une continuité avec Oradour sur Clan, non? Parce que je vous rappelle, parce que tout ça va tellement vite. Oui, c'est d'une semaine à l'autre. C'est d'une semaine à l'autre. Donc la semaine dernière, c'était l'indignation générale sur Oradour sur Clan. Alors pareil, le fascisme, le racisme. Là. Maintenant, là, on bascule sur Obono. Donc là, on a une magnifique séquence. Et Castex nous dit jamais le racisme. Alors il dit voilà, on pourrait parler d'à peu près de tout. Il dit, mais alors le racisme, alors non, ne touchez pas à nos nègres, s'il vous plaît, ne touchez pas à nos nègres, la sacralité du nègre. Je crois que c'est ce que ça exprime, hein, c'est que voilà, en France, il est très clair pour les élites dirigeantes, les élites organisées, celles qui contrôlent l'appareil d'État, ce qu'on appelle l'appareil politico-médiatique dans toute sa diversité, communient dans une déférence totale devant la figure du nègre, et là on rejoint effectivement l'éther nègre. Et on a vu des séquences du même ordre avec George Floyd, etc. Mais c'est vraiment un culte voué au nègre qui est équitablement réparti entre les différentes familles politiques ou dirigeants politiques. Bon, c'est un culte au nègre, et en même temps, souvent, puisqu'on parle du Rassemblement National, on est bien obligé de parler aussi des homosexuels, hein. Donc tout ça me fait penser à la, parce que bon, non, c'est la fin de l'été, à cette formidable chanson de Blago Darioff, La plage aux Sidaïques, hein, c'est ça, c'est-à-dire que laissons la place aux Sidaïques, aux trans, aux noirs et aux PD, hein. C'est un petit peu le projet de cette, oui, si on devait résumer les valeurs de la République, Eh bien, je pense que ça serait ça. Laissons la place aux sidaïques, aux noirs, aux trans et aux PD. Oui, bah ça c'est la République bien comprise. C'est la République bien comprise. Tout à fait, voilà. Mais dans cette affaire aussi, il y a un côté, quelque part de vol de marque, si tu veux, parce que ce qu'ils ont voulu faire, Valeur Actuelle, c'est montrer un petit peu casser les codes entre victimes et oppresseurs. Mmh. Et ça, évidemment, c'est interdit, parce que tout le but de ce progressisme 2.0, là, victimaire, quand ils sont passés à l'intersectionnalité des luttes, c'est de déposséder l'homme blanc de son statut de victime en tant que pauvre, de tout racialiser et de faire de l'homme blanc uniquement le coupable. Là, à l'heure actuelle, ils arrivent, ils veulent quelque part braquer le truc en disant « Eh, vous les négros, quand même un petit peu, l'esclavage, vous avez un petit peu quand même mangé dedans. » Forcément, c'est un blasphème. Non, non, le blanc est toujours coupable et le nègre est toujours victime, vous n'avez pas le droit de le contester. Oui, c'est-à-dire que depuis que les blancs ne vont plus à l'église, parce que bon, ça avait l'air un petit peu à dormir debout, ces histoires-là, il faut quand même qu'il aille à l'église, et son église, ça reste des églises où il y a un clergé bien défini, donc... Quand tu veux t'attaquer au clergé des nègres, t'as pas le droit. Puis bon, par-dessus toutes ces chapelles, il y a un clergé qui est un petit peu plus global. Voilà. L'humanité. Il y a des étoiles un petit peu partout. Oui, une humanité tout à fait particulière qui veille à ce que. Les relations intercléricales se passent correctement. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est l'état de la France en 2020. Je veux dire, je vais vous donner un exemple parce que qui va souligner toute l'hypocrisie de ces gens. Parce que quand vous lisez la, enfin, c'est l'émoi, d'une manière générale. Hein, c'est la bourgeoisie parisienne qui se parle à elle-même. En gros, c'est la bourgeoisie parisienne qui se parle à elle-même. Et qui prend à témoin, dans le cadre d'une esclandre parisienne, la totalité de la France, grâce à ses médias. Donc notre attention est captée de force, d'autorité, par la bourgeoisie parisienne, par les bobos, qui sont en train de suffoquer parce qu'une négresse se dit agressée par un dessin. Voilà. Donc on en est strictement là. Peu de temps avant, a émergé une histoire qui est restée dans la catégorie faits divers, parmi d'autres. À Nantes, on a appris qu'une gamine de 15 ans a été violée et assassinée alors qu'elle était partie chercher du pain par un homme qui avait été condamné pour 12 viols. C'est dans la rubrique « chien écrasé ». En revanche, une bourgeoise gabonaise, parce qu'il ne faut pas se mentir, Daniel Obono, qui est si discriminé, appartient quand même à un club très restreint, d'un peu moins de 600, privilégiés, qu'on appelle les députés français, qui ont le droit à une généreuse couverture médiatique, qui ont le droit à un généreux salaire, qui ont le droit d'ailleurs de cumuler cette qualité de député avec d'autres mandats ou bien d'autres activités. Et Daniel Obono est ainsi devenu une espèce de diva très chouchoutée par les médias et qui a d'ailleurs des positions très radicales puisque quand elle n'appelle pas à niquer la France, comme elle le dit, elle est occupée à essayer d'organiser une guerre raciale contre les Français de souche qui ont eu la bonne idée, entre guillemets, de la faire sortir de son Gabon natal pour réussir à Paris. Bien. Et donc, les états d'âme d'une bourgeoise gabonaise parvenue sont beaucoup plus importants aux yeux de la bourgeoisie française et des médias et des journalistes français que donc une gamine de 15 ans, qui n'est qu'une fille de basse extraction, en dépit de son viol et de son meurtre. Alors, cet échelonnage médiatique n'est pas le fruit d'un accident. D'accord ? C'est le fruit de l'égoïsme de cette engeance putréfiée qu'on appelle les élites françaises. Ces gens-là se foutent comme de leur dernière chemise de l'assassinat d'une gamine, de son viol, bien évidemment dans d'autres circonstances et concernant d'autres victimes, des viols collectifs, tout ça, ils en ont rien à foutre. En revanche, les micro-dramas où les types peuvent faire jouer à fond leur espèce d'empathie narcissique et exhibitionniste qui leur permet de se donner le bon rôle, c'est-à-dire le rôle du samaritain, pendant que les autres crèvent, comme je l'ai dit, alors là, ils y vont à fond. Et donc, ils se portent au secours de la négresse qui est sur le point d'être, évidemment, assassinée par les membres de Valeurs Actuelles à coup de dessin. C'est-à-dire, quand on est dans un pays à ce degré d'insanité, on est dans le psychiatrique, d'une part, on est dans l'obscénité pour une seconde part, et puis troisièmement, il ne faut pas se mentir, c'est la phase terminale d'un système. C'est la phase terminale d'un système. On est bon pour la négrification totale. Totale. On ne peut plus dire non aux caprices d'une négresse. On ne peut plus dire non aux caprices d'une négresse. Maintenant, ça c'est la jurisprudence au Bono. Hein. C'est la jurisprudence. Quand une négresse se dira insultée, qu'il y aura un semblant de début de matérialité de la dite insulte, vous aurez la totalité du système contre vous. De ce système-là, bourgeois, comme je l'ai dit, intersectionnel, qui est en guerre contre la race blanche, mais pas n'importe quelle fraction de la race blanche, la partie la plus modeste. Parce que tous ceux qui sont en train de s'émouvoir, là, tous les culs blancs qui sont émus, sont des gens qui ont des salaires très confortables et des positions d'influence très confortables. Notre ami Castex n'est pas un prolétaire exploité, pas plus que Moretti, pas plus que Darmanin et toute la clique. Ce sont des gens qui vivent très confortablement. Mais vous voyez, c'est ça finalement, et j'en termine, l'arnaque de l'antiracisme, outre que des négresses peuvent l'exploiter à leur profit pour se créer un statut dans cette société démocratique française décadente, est aussi un formidable paravent pour tous les escrocs qui veulent se faire passer pour être du camp du bien contre ce que Gabin appelait dans un film célèbre les salauds de pauvres. Voilà. Moi j'y vois ça, c'est très commode au fond, c'est très commode. Les puissants peuvent ainsi singer la résistance à l'oppression. Voilà. Il suffit d'un tweet pour se solidariser d'une négresse parvenue. Sur Twitter. Comme quoi, avec peu de moyens, on peut arriver à grandes choses. Quelqu'un d'autre veut rajouter On peut peut-être préciser que Daniel Obono, c'est pas une pauvre non plus, hein, elle est issue de la bourgeoisie gabonaise. Hein. Évidemment, bien sûr. Évidemment. Comme si oui. Ndiaye, tous ces gens-là sont pourris de pognon, pourris de privilèges. Et à l'aide d'une idéologie débile, viennent expliquer aux prolos français qu'il est un privilégié, tu vois. C'est pas une idéologie débile, puisque ça marche, si tu veux dire qu'ils disent des trucs. Parce que les gens sont très cons. Ouais, mais ils disent des trucs, les autres, ils y croient. Donc c'est tout sauf débile. Hein. C'est même particulièrement habile. Bah non, mais ils ont compris qu'avec, ces éternels chrétiens que sont les Français de souche, c'est très facile de les faire culpabiliser. Donc on fait une crise. Il suffit de se poser en victime. Voilà, on se victimise, on hurle, là, bon, on commence à s'excuser. Ça c'est typique, ça fonctionne à chaque fois. Ils ont compris la ficelle, croyez-moi bien qu'ils ne sont pas prêts de l'abandonner. Voilà, il faut être le dernier des cons. Et quelque part, tout est en ordre, j'ai envie de dire. Parce oui, exactement. Tout est en ordre. S'il y a des gens pour tomber là-dedans, ils sont faits pour tomber là-dedans et ils sont peut-être masochistes et ils aiment ça, ils aiment se faire flageller par des nègres, hein, espèce de renversement historique. Et ils ont envie d'être réduits en esclavage par des nègres et d'être torturés par des nègres. Bon, bah, écoutez, si c'est une aspiration que ces gens-là ont, moi je ne vais pas non plus les empêcher à tout prix d'assouvir leurs pulsions. Je ne la partage pas personnellement, je pense qu'il y a quelques millions de gens en France aussi qui ne la partagent pas, mais visiblement, il y a quand même une demande. Il y a une demande. Alors, il y a une demande, hein, c'est clair quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent mourir, hein, qui appellent à se faire abattre par des nègres. Oui. Clairement, enfin. Oui, c'est une très, très forte pulsion de mort en France, oui. Ah, c'est même. Bon, je vais dire, c'est à peine voilé, mais c'est même plus voilé, hein. C'est. L'appel au métissage. Là, j'ai envie de dire. La prosternation devant le moindre nègre qui dit quoi que ce soit, enfin. On ne sait pas quoi, oui. Tel journal a dit du mal des nègres. Pardon. C'est le type, il n'a rien fait. Il se lève le matin. Pardon. Ok, tu veux mourir. Bon, bah, crève. Pas de problème. On ne veut pas crever avec toi. Crève tout seul dans ton coin. Hein, si tu veux, ne nous fais pas chier. En fait, le truc, là, je veux préciser ça, j'ai parlé de pulsion de mort. En fait, j'avais envie de parler de pulsion de meurtre, de pulsion de suicide, mais je vais plutôt parler de pulsion de meurtre maintenant. C'est-à-dire que ces gens-là, effectivement, ont une pulsion de suicide, ils ont envie de se suicider. Aux États-Unis, vous savez, vous avez le suicide by cops, hein, le suicide par les flics. C'est-à-dire que, en fait, vous provoquez les flics pour qu'ils vous tuent. C'est des choses qui arrivent aux États-Unis. Et là, en France, c'est plutôt le suicide by nigger, hein, c'est donc le suicide par les nègres, c'est-à-dire que vous provoquez les noirs pour qu'ils vous assassinent. Donc ça, c'est ce qui régit aujourd'hui la gauche française. Hein. Et pas que la gauche française, ça c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus diffus que ça. Mais disons que le cœur de ce dispositif mental-là se trouve clairement à gauche. Mais nous basculons dans la pulsion de meurtre. C'est-à-dire que ceux qui refusent de se suicider collectivement, un petit peu à la façon du temple solaire, donc sur ordre de la gauche blanche, qui nous intime l'ordre de nous suicider pour aider les nègres à régner. Donc si nous refusons, si nous inscrivons en faux vis-à-vis de ce millénarisme-là, ces gens commencent à vouloir nous tuer. Et on voit que donc, la gauche des malades mentaux, vous allez me dire que c'est un pléonasme, parce que le gauchisme est une maladie mentale, ces malades mentaux de gauche, donc ces blancs qui sont atteints de comment dirais-je, de psychopathie, quand ils voient que l'on refuse de les suivre dans leur penchant suicidaire, nous disent qu'ils veulent nous assassiner. Et c'est là que vous les voyez sur Twitter, vous insulter, vous accuser, vous... Ça, derrière ça, il y a une haine et une envie de vous assassiner qui est très présente. Donc si vous dites à ces gens « non », non, je ne veux pas mourir avec toi, même de la main d'un nègre. Suicide-toi si tu veux, mais laisse-moi tranquille. Ces gens commencent à devenir hystériques et à vouloir vous tuer, à défaut de vous convaincre de vous suicider. Voilà. Là, je vous ai résumé la dialectique droite-gauche. Oui, c'est-à-dire que ces gens-là ne retrouvent que foi en la vie pour nous tuer. Voilà. Leur seule distraction dans la course très rapide qui les guide vers la mort, hein, vers le suicide, c'est de tuer les gens qui se mettent en travers de leur chemin. Ben c'est... Oui. Bon. Mais c'est ça. C'est, l'État de la France en 2020. Hein, c'est très intéressant. Quoi, hein. Alors oui, et au point de comment dirais-je, cet état d'esprit est désormais l'état d'esprit de l'État français qui a fait voter des lois qui imposent cet état d'esprit à tous, c'est-à-dire que si vous refusez de mourir en tant que blanc, il y a tout un arsenal législatif pour vous contraindre à accepter de mourir. Et d'ailleurs, on a dit, hein, voilà, à l'heure actuelle, on va étudier éventuellement pour un dessin, hein, on va voir s'il y a des poursuites qui sont possibles, etc. Voilà. Bon, on est quand même au beau milieu d'Arkham en France. Hein. Il faut quand même avoir conscience de ça. Hein. Derrière tout le discours de la bourgeoisie pour essayer de donner un semblant de rationalité et de finesse intellectuelle à toutes ces. Il y a juste du décor, quoi. La République a du décor, c'est-à-dire qu'ils tiennent des lieux, quelques bâtiments par-ci par-là, hein, mais ils se promènent dans des décors, tu vois, et puis ils parlent, je sais pas trop ce qu'ils racontent, mais ils sont là, ils occupent le terrain, c'est tout, ça va pas plus. c'est vraiment l'asile, quoi, c'est Arkham, ouais, c'est Arkham. Oui, ouais. Totalement. Alors, messieurs, avant de passer au sujet suivant, je précise que Diabolix nous a rejoint. J'espère qu'il va bien, ce cher Diabolix. Bonjour à tous. Je vais merveilleusement bien, comme d'habitude. Alors, messieurs, avant de faire une pause musicale, je vous propose d'aller vers la rubrique numéro 3, Histoire méconnue. C'est cité par un de nos auditeurs qui aime bien nous faire partager des choses qui sont... qui ne sont pas connus du grand public et qu'on retrouve dans les archives, toujours très intéressant. Alors, voici la source. Donc, c'est Pierre de l'Ancre, l'incrédulité et mécréance du sortilège pleinement convaincu. Paris, Nicolas Buon, 1622, aux pages 461 et 462. Alors, je vous lis ce passage. Et pour montrer que les Juifs, apostats, athées et surtout les ladres ou lépreux ont eu de tout temps quelques confédérations ensemble, l'histoire en est célèbre dans Gaguin au 7e livre de l'histoire de France. On fit mourir, dit-il, plusieurs ladres qui, à l'instigation des Juifs, avaient reçu du poison et comploté d'infecter tous les puits de France et pour faire mourir toutes sortes de personnes ou les faire venir lépreux. C'était une mixtion composée de sang et d'urine d'homme, avec le suc de quelques herbes venimeuses, laquelle ils enveloppaient en un linge, l'attachaient à une pierre, puis jetaient tout ce paquet de drogue dans les puits, afin qu'il pût mieux aller au fond. Le roi ayant su que cela s'était premièrement découvert en Languedoc, et que les empoisonneurs y avaient été brûlés, fit faire une recherche des ladres par tout son royaume, lesquels, ayant confessé, furent brûlés en compagnie de plusieurs Juifs. Mais en voici une autre, bien plus étrange, environ dans ce temps-là. 48 Juifs détenus prisonniers pour ce même crime, à Vitry, prirent une résolution dedans la prison, de faire une furieuse exécution, et de fait, se tenant pour condamnés à mort, ils ont choisi deux d'entre eux pour tuer les 38. Afin de ne passer, disait-il, par les mains des chrétiens. Le plus vieux et le plus jeune des 40 firent l'exécution. Ces 38 dépêchés, le vieillard prit le jeune de l'égorger. Ce qu'ayant fait, et le jeune se voyant seul, amasse tout l'or qu'avaient ses compagnons, fait une corde de ses linceuls et se coule d'une fenêtre. Mais le poids de l'or et du corps rompant ce linge, il tomba dans le fossé, se rompit la cuisse et, étant pris, il fut exécuté à mort et les corps de tous les autres et les corps de tous les autres brûlés. Alors merci à Loup-Garou pour cette nouvelle histoire puisée dans l'histoire de France trop connue d'ailleurs. Alors ça a son charme hein, ces histoires du temps passé, mais il y a des constantes ceci étant dit, hein, des constantes en termes d'empoisonnement. L'empoisonnement du juif qui veut être plus vif que les juifs. Là, c'est vrai que c'est une expression artistique du judaïsme. Hein. Là, bon, c'est un moment, c'est un instant assez particulier. Dans les environs de Vitry, hein, pour ceux qui n'auraient pas... Voilà, Vitry. Ouais. Voilà, donc, alors peut-être que des empoisonnements plus récents pourraient se terminer dans les mêmes termes. C'est à souhaiter. Ah, dans la région, il y a des empoisonnements beaucoup plus récents, ah, oui. Qui sont plus en rapport avec les parties précédentes. Oui. Il y a aussi des mixtures qui sont préparées dans des laboratoires en Chine, et puis se passe beaucoup de choses et on trouve des noms et des nez. Oui. Très curieux tout ça, hein, les permanences, etc. D'ailleurs, j'ai remarqué, comme vous le savez, démocratie participative a activement fait le lien, hein, entre la vieille tradition d'empoisonneur de ce peuple et les récents développements, hein, en accusant donc, à juste titre, hein, Buzyn et Lévy d'être des empoisonneurs de puits, eh bien, ça a suscité la plus grande inquiétude de toutes les autorités. Vous n'avez pas pu manquer ça. Non seulement de la juiverie organisée, qui, vous le savez, n'a jamais empoisonné aucun puits, en dépit de ce que disent les chroniques, hein, bon, voilà, et des exécutions auxquelles a dû procéder le roi de France pour éviter que ces sujets ne soient oxy par la perfidie hébraïque. Non, bon. Mais, enfin bon, ils sont inquiets. Alors, n'hésitez pas à utiliser cette image, qui n'est pas qu'une image, elle a un fondement historique, pensez bien. Tellement historique, d'ailleurs, qu'il est même actuel. Bon, alors, comme quoi... Hein, Monsieur Salomon. Je l'avais oublié, lui aussi. Monsieur Mendes. Ah, aussi, oui, oui. Oh, beaucoup, ouais, ouais. Beaucoup de gens concernés. Il y a des familles comme ça, qui, oui. Des Lévy, des Mendes, des Salomon. Des Rastatt. Rachetal. Et combien d'autres. Quelqu'un veut-il commenter, enfin juste dire un petit truc, enfin, sur cette histoire assez... ce souvenir, cette souvenance d'empoisonnement de puits. Pas spécialement. Bon, d'accord. Moi, ce qui me revient... Ouais, c'est bien. C'est la volonté d'un groupe de juifs sous l'uniforme anglais... à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui voulait empoisonner une réserve d'eau afin, en espérant empoisonner environ 1 million de Munichois, ces gens qu'on appelait, enfin, que les Juifs appelaient les vengeurs. Ah oui, histoire très connue. Oui, oui. Donc vraiment, cette histoire d'empoisonnement de puits pour tuer des goïms, qui peut avoir inventé une histoire ? On se le demande. Voilà, c'est très bien de nous avoir appelé ça, Fulbert, très important. Alors, messieurs, avant de nous séparer pour la première partie et faire une pause musicale, je vais quand même revenir là-dessus. Ça se passe là, on va aller en Allemagne, à Berlin, bah, peut-être que c'est raccord au fond, où il y avait une grande manifestation contre la dictature sanitaire. Bah, oui, c'est doublement raccord. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque les Allemands sont très remontés contre les mesures, de suspension des libertés publiques décidées par le gouvernement fédéral et par Angela Merkel. Et donc, il y a eu beaucoup de monde à Berlin pour exiger la fin de ces mesures, notamment de confinement, de distanciation sociale et toutes ces insanités. Il s'est passé un incident qui j'ai trouvé très savoureux, et je ne suis pas le seul, puisqu'en Allemagne, ça a généré une très très virulente polémique. C'est Sud-Ouest qui nous résume les faits, et je vous les livre. Alors, samedi, des manifestants contre le port du masque ont tenté, la veille, de pénétrer de force dans le bâtiment du Reichstag, siège de la Chambre des députés à Berlin. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dénoncé dimanche une attaque insupportable contre le cœur de notre démocratie, après que des manifestants contre les restrictions liées au coronavirus ont tenté la veille de pénétrer de force dans le bâtiment du Reichstag, siège de la Chambre des députés à Berlin. Des drapeaux du Reich et des grossièretés d'extrême droite devant le Bundestag allemand sont une attaque insupportable contre le cœur de notre démocratie, a écrit le chef de l'État dans un communiqué publié sur Instagram. Nous n'accepterons jamais cela, a-t-il ajouté. Au moment où la radicalisation du mouvement anti-masque face à la pandémie de Covid-19, dont les partisans ont manifesté par milliers samedi dans la capitale allemande, scandalise et inquiète le gouvernement. Si quelqu'un est énervé par les mesures, ou les remet en question, il peut le faire même en public et lors de manifestations, a poursuivi le président. Ma compréhension s'arrête quand des manifestants se mêlent à des ennemis de la démocratie et des agitateurs politiques. plusieurs centaines de manifestants avaient forcé les barrières pour monter sur les marches du Reichstag et ont été empêchés de justesse de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment par les forces de l'ordre, qui ont utilisé des sprays pour disperser la foule et interpeller plusieurs personnes. Les images ont créé une onde de choc en Allemagne, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer dénonçant un dérapage inacceptable visant le centre symbolique de notre démocratie libérale. La ministre de la Justice, Christina Lambrecht, a appelé à se défendre contre ces ennemis de notre démocratie. L'image insupportable de néo-nazis devant le Reichstag ne peut pas se répéter, a-t-elle dit aux journaux du groupe Funke, le Reichstag où se réunissent les députés allemands en session plénière à une forte charge symbolique en Allemagne. Alors, il y a de magnifiques images de cette appropriation par le peuple allemand du Reichstag. Hein. Visiblement, on n'aime pas trop le peuple hein, quand même quand il s'approche du Parlement. Alors, avec de magnifiques drapeaux impériaux, j'ai vu le fameux noir, blanc, rouge, bien sûr, des drapeaux prussiens aussi, assez beaux. J'ai vu des croix de fer, de magnifiques drapeaux avec des croix de fer. J'ai vu des drapeaux avec des slogans très connus ou des devises comme « Gott mit uns »,« Dieu avec nous », et encore le drapeau traditionnel allemand, etc., etc. Enfin, c'était assez intéressant. Et parmi donc les manifestants se trouvaient effectivement des partisans du rétablissement de la forme impériale du gouvernement allemand, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme vous le savez, puisqu'elle est une république sous occupation américaine et dirigée par les Juifs. D'ailleurs, Steinmeier, dont on parle là, avait déclaré publiquement que la raison d'être de la République fédérale d'Allemagne était l'existence de l'État d'Israël. Je n'invente rien, il avait dit que la raison d'exister de la République fédérale d'Allemagne était de garantir l'existence de l'État d'Israël, qui, comme vous le savez, est un État raciste, ségrégationniste, militariste, qui entend imposer par la force des armes la suprématie de la race juive au Proche-Orient. Donc, pour permettre à la race juive d'atteindre ses objectifs au Moyen-Orient, eh bien, le gouvernement démocratique allemand assure que tous ses efforts et toute son énergie sont tournés vers donc Israël pour qu'il y parvienne. Donc, c'est un État, on va dire, c'est une province israélienne, en quelque sorte. Et donc tous ces Allemands, à commencer par Steinmeier, fait de son militantisme, pour base de son militantisme, la protection de la race juive. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire à la fois de cette manifestation assez impressionnante, de cette mobilisation contre les mesures dites sanitaires, d'une part, et deuxièmement, de cette action symbolique très forte au Reichstag. Alors, messieurs, qui veut réagir? Oui, c'est des images magnifiques. Moi, je trouve, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir tous ces beaux drapeaux. C'est vraiment, c'est le peuple. C'est bien. Oui, c'est le peuple, oui. En principe, en démocratie, contrairement à ce que disait le monsieur que tu citais tout à l'heure, la raison d'être du pays, c'est le peuple, c'est pas l'État d'Israël. Donc moi je trouve ça normal, le peuple va au Reichstag, il manifeste son mécontentement, ça me paraît très très sain. Moi je remarque quand même que si on imaginait que de telles scènes aient pu se produire à Paris, il y aurait eu quand même beaucoup plus de nègres. Et c'est là que tu vois de même les gens qui protestent, etc. Avec tout le judaïsme qui s'est pris sur la gueule depuis 1945, quand tu n'as pas la variable nègre au milieu, tu as quand même une meilleure qualité de vie, oui. Tu ne vis pas pareil, hein, tu ne réagis pas pareil, tu n'agis pas pareil. C'est vraiment... ça se voit. Les gens, quand ils survivent en France parmi les nègres, même s'ils sont de droite, de l'extrême droite, etc., et qui sont conscients que les nègres sont de la merde, ils vont pas vivre pareil que même le moindre des... Ah, je sais pas, ça peut être des anarchistes ou autre, qui se baladent, mais c'est quand même très blanc, quoi. Et ça va pas être... C'est pas la même vie. Ce que tu veux dire, c'est que t'as, c'est ça qui me marque. T'as pas le même niveau d'énergie, c'est ça que tu veux dire. T'as pas le même niveau d'énergie, ouais, ça rend... Oui, c'est ça, quoi. Le nègre te met en... Il pompe ton énergie, ouais, il pompe ton énergie psychique. Psychique, physique, tout. Hein, c'est vraiment, c'est un trou noir, hein, pour le coup. Ça t'aspire les ressources, t'aspire le pognon. Ça ne sert à rien. Hein, les Français, je sais pas, ça leur plaît, mais bon. Moi je vois ça, c'est ce qui me saute aux yeux de prime abord. Et puis oui, effectivement, le fait de ne pas vouloir de ne pas être comment dire de ne pas suivre benoîtement les ordres de se voiler en plein été, est-ce que ça... Est-ce que c'est un hasard que ça se passe en Allemagne, que les gens soient les plus rétifs à ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est assez plaisant à voir. Mais si je peux me permettre, il y a une chance que les Allemands ont et que malheureusement nous n'avons pas. C'est-à-dire que l'Allemagne a été séparée par le rideau de fer, que les aussi se sont pris 40 ans de communisme dans la gueule, qu'à un certain moment, on a levé le mur de Berlin, ils se sont dit « Youpi, on va être libre ». Au lieu d'être libre, ils se sont fait baiser une seconde fois. Et cette partie-là de l'Allemagne est en train de devenir, par ras-le-bol et par dégoût, probablement plus nazi que les pires extrémités que l'on puisse émettre et décrire pour le citoyen français lambda. C'est-à-dire que ces gens ont parfaitement compris que l'Allemagne fédérale était une gigantesque saloperie et on ne les mettra plus à genoux. On ne les mettra plus à genoux parce qu'ils ont goûté aux deux modèles, ils ont parfaitement compris que les deux modèles sont de la merde. Et eux, ils vont vouloir revenir à la bonne politique nationale socialiste qu'il y avait avant. Chose que ni la Belgique, ni la France, ni l'Espagne, ni l'Italie, ni quoi que ce soit ne pourront avoir. D'abord parce qu'ils ont toujours gardé l'intégralité de leur population et qu'ils se sont fait complètement envahir et baiser la gueule par leurs politiciens. Donc, je ne voudrais pas être à la place des autorités allemandes parce que la colère qui est en train de monter en Allemagne va très mal finir pour eux, très bien finir pour nous. Alors oui, il y a quelque chose qui est pas forcément connu du public français, c'est la colère germanique. Ce sont des gens qui sont très patients, les Allemands, en fait, contrairement à une idée reçue. Mais par contre, quand les limites sont franchies, elles sont franchies, alors là, c'est un revirement du tout au tout. C'est très dangereux que de provoquer des Germains. Les Juifs ont essayé de provoquer les Germains dans les années 20, dans les années 30. Et ils en sont encore traumatisés 80 ans après. Donc, il faut faire très attention avec les Germains. Or, visiblement, pensant probablement que à force de propagande et à force d'ingénierie sociale et aussi d'un relatif confort matériel, eh bien, les Allemands ne poseraient plus vraiment de problème. Je n'irai pas jusque-là. Et en tout cas, je poserai la question effectivement en fonction des différentes régions de l'Allemagne. Et comme le dit Diabolix, dans l'est de l'Allemagne, ces gens-là sont quand même bien partis pour faire sécession. Alors faire sécession dans quelle proportion, selon quel terme, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a là-bas une zone où les nationalistes sont politiquement extrêmement puissants. Cette puissance ne se dément pas. Je ne vois pas dans le futur proche de raison pour que ce nationalisme soit démenti, parce qu'en fait, tout va ne faire que s'aggraver. Donc, je pense que ces gens-là n'ont aucune raison de s'apaiser, n'ont aucune raison de vouloir composer, bien au contraire. Donc, il y aura sûrement des surprises. Et ce qui a été quand même très frappant, je dois dire, moi j'ai moi-même été assez surpris, je savais qu'il y avait un mouvement impérialiste, comme il y a un mouvement monarchiste d'ailleurs en France. Donc c'est un mouvement composite, mais c'est un mouvement nationaliste. Et il faut savoir qu'en Allemagne, toute forme de nationalisme, même tempéré, est assimilée à du national-socialisme. C'est déjà le cas en France, hein, vous allez dire, on est qualifié de nazi même quand on est, à valeur actuelle. Vous voyez, c'est pour vous dire. Mais en Allemagne, c'est bien pire. C'est-à-dire que toute forme d'affirmation patriotique en Allemagne est assimilée à une forme déguisée de national-socialisme. Voilà. Donc, vous êtes constamment accusé d'être un national-socialiste en Allemagne, en permanence, si vous êtes un petit peu trop patriote. Alors, de voir des gens reprendre les couleurs impériales, l'aigle, c'est quand même extrêmement positif à ce moment précis et en ce lieu précis. Et ça n'a pas échappé aux autorités et au régime, qui auraient sûrement bien préféré voir une myriade de drapeaux israéliens devant le Reichstag. Là, ils auraient été enthousiastes. Mais c'était des drapeaux allemands en Allemagne, donc là, plus rien ne va. Mais je pense qu'il y aura des surprises. Je pense que aussi là, devant le Reichstag, hein, quand des juifs ont vu des jeunes blancs et des jeunes blanches, donc des jeunes allemands, danser sans masque, vers tout à fait, c'est pas légère, tu vois, c'est cette légèreté qui n'existe plus en France, hein, pour le coup. Je pense que des juifs ont eu des artères bouchées, ça a suscité des infarctus. Je pense qu'il y a eu des morts hein, en Israël, là, du côté d'Eilat, hein, pendant qu'on se faisait dorer la pilule. Certains ont dû passer l'arme à gauche. Donc c'est fort possible et c'est très bien. C'est très bien. Voilà, il y a peut-être le salut viendra peut-être de là, mais espérons-le en tout cas. Mais c'est merveilleux. Hein, c'est solaire. C'est solaire, on voit des scènes au pied du Reichstag où il y a des femmes et des hommes en tenue traditionnelle allemande qui font des danses allemandes sur de la musique, comment dirais-je, traditionnelle allemande. Donc il y a des jolies blondes à nattes qui dansent la farandole. Il y a un côté très enraciné, très ethnique dans tout ça qui effectivement va donner des cauchemars à un certain nombre de rabbins. J'en suis absolument convaincu. Ces images vont circuler là où elles doivent circuler. Et au moment où nous sommes, hein, avec tout ce qui se passe, je crois... en train de tuer des... Non, mais je crois vraiment que le message va être entendu haut et clair. Il n'y a pas que les rabbins qui vont faire des cauchemars. Parce que tu le disais bien... Tout sentiment national en Allemagne est considéré comme du nazisme. Je te répondrai oui dans la partie ex-Allemagne fédérale. Oui. Si tu te balades à Brême en uniforme d'officier de la Waffen-SS, je te donne 60 secondes dans la rue avant d'avoir de gros problèmes. Si tu le fais à Leipzig, t'as pas un flic ou un magistrat qui osera bouger, parce que sinon ils vont se retrouver peut-être pas lynchés, mais au minimum légèrement bousculés. Hein. Alors je sais pas si ça va jusque-là, mais en tout cas, il y a une vraie base militante nationaliste en Allemagne de l'Est, ça c'est indéniable. Ah, mais en Allemagne de l'Est, tu as des villages où les gars se déclarent carrément et officiellement nationaux socialistes et où personne ne se permettra d'aller leur chercher des poux dans la tête. Oui, parce que ça va très mal finir. Et quelque part, c'est notre chance. Et surtout, c'est une chance pour l'Allemagne qui est exceptionnelle, parce que malheureusement, nos peuples à nous sont complètement phagocytés et ils n'ont pas eu la réserve de l'Allemagne de l'Est qui est arrivée après. Que tu sois en Belgique, que tu sois en France, que tu sois en Italie, on a bien éduqué l'intégralité de la population à cette saloperie de cosmopolitisme. Et ce qui est en train d'arriver, et j'en suis mais alors extrêmement heureux, notamment pour démocratie participative, c'est que de plus en plus démocratie participative est écoutée et lue à l'Est, avec des gens qui commencent à s'apercevoir. Bon, ils sont pas cons, hein. Dès que le communisme a été supprimé, dès qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, ils se sont dit, il y a des bugs quelque part, ça va pas trop bien. Mais maintenant, ils commencent non seulement à faire plus que s'interroger, à réfléchir très profondément, et c'est en train de nous donner des mouvements nationalistes qui vont effectivement, à un certain moment, bouter toute la merde européenne et toute la racaille. Soyons très clairs, hein, vu de l'extérieur, la France, c'est devenu un zoo. Les Français qui se barrent à l'étranger, les gens les interpellent en leur disant « Attendez, vous venez ici, d'accord, vous vous installez, d'accord, venez pas vous permettre d'essayer de nous fourguer la même merde que chez vous, on n'en veut pas, si vous n'êtes pas d'accord, on vous suspend les certificats de résidence et vous décarrez d'ici vite fait. » Qui d'autre? Moi, je sais pas pour vous, mais j'espère beaucoup voir la même chose en France. Parce que je pense que justement, les Français aussi ont ce rapport à la colère un peu lente qui finit par exploser. Et j'espère un petit peu, voilà, qu'à la faveur de début septembre, qui est une période propice aux manifestations en France, on aura le droit un petit peu à un mouvement, voilà, anti-masque et pro-liberté. En fait, les Français ont un rapport très paradoxal aux libertés publiques. En fait, les Français ne sont pas très branchés liberté. Ils sont beaucoup plus branchés anarchie. Vous voyez, c'est-à-dire les Français, c'est des gens qui veulent tout interdire et ne rien respecter. Ça, c'est le caractère français, quoi. Donc, on fait des lois sur absolument tout, mais il est bien entendu que personne, enfin, que tout le monde individuellement s'autorise de ne respecter que ce qu'il voudra bien respecter. Ouais, ça, c'est l'approche française de la loi, n'est-ce pas ? Donc c'est une approche un peu différente de l'approche allemande. Donc je ne sais pas s'il y aura vraiment un grand mouvement en faveur des libertés. Je pense que ça serait plus orienté sur les questions économiques si, par exemple, un second confinement était décrété vraiment dans la durée. Alors aurait-il la même forme, etc. Je ne sais pas, mais il faut quand même, et de deux mots, rappeler qu'il prévoit la vaccination obligatoire. Alors pas dans l'immédiat puisque le vaccin n'est pas encore au point, mais en tout cas il le prévoit, ce qui signifie que tous ceux qui refuseraient de se faire vacciner deviendraient des parias, deviendraient des gens interdits d'exercer leur profession, de se déplacer, etc. Je précise aussi que l'Union européenne a prévu de mettre en place depuis 2018, bien avant cette histoire de virus, un passeport sanitaire. Donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là que ça se passerait, c'est-à-dire si tout d'un coup on remettait à l'arrêt l'économie française, je pense qu'il y aurait des troubles. Mais là, c'est une interrogation, hein. Je n'affirme rien, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Ce serait à voir, mais en tout cas, c'est très net. Actuellement en Europe, il y avait eu d'ailleurs des troubles aussi en Serbie, mais actuellement en Europe, c'est l'Allemagne qui est le plus en pointe dans la contestation directe par le peuple des mesures... de la mise au pas de la société, encore plus que c'était avant le cas, au prétexte de ce virus, quoi. On va voir, je le souhaite comme toi, hein. Je veux dire, je suis comme toi, hein. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des mobilisations, mais bon, c'est... Qui vivra, verra. Quelqu'un d'autre, là-dessus ? Non ? D'accord. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de démocratie participative. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 5, épisode 33. Alors, avant d'aborder un sujet d'actualité qui va nous emmener aux États-Unis, je voulais, dans la continuité de ce qui a été dit la semaine dernière sur Oradour sur Glane, parler d'un sujet historique qui n'est jamais abordé, ou très marginalement, au moment où on nous parle effectivement de manière de plus en plus lancinante, du moins d'après ce que nous disent les dirigeants français, à propos du devoir de mémoire. Donc il y aurait un devoir de mémoire, et comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a un devoir de mémoire qui est un devoir de mémoire sélective. Et il y a des pans entiers qui sont évacués, et notamment la question vendéenne, entre l'année 1793. Alors vous allez me dire, ça fait très très loin, pourquoi parler de ça? Eh bien, le but ici est simplement de créer un contraste entre les obligations qui nous sont faites de nous sentir concernés par certains événements historiques qu'on a pu citer, et curieusement, l'existence d'angles morts historiques, et pourtant considérables, que visiblement il ne faut pas aborder, et en tout cas que les autorités n'abordent pas, que les institutions n'abordent pas, et dont le souvenir n'est certainement pas entretenu. Il y a une véritable opération d'amnésie collective pilotée par le gouvernement français sur la question vendéenne, et ça pose question. Alors, sans vouloir ici, bien sûr, tenter d'aborder le sujet de manière exhaustive, parce que ce serait fastidieux d'une part, et puis ensuite c'est impossible, je voulais quand même parler de ce qui s'est passé, en disant à nos auditeurs que, voilà, on vous a parlé d'Oradour sur Glane, très bien, vous connaissez la version de Vincent Renoir qu'on a exposée la semaine dernière, donc qui appelle quand même une certaine nuance. Mais en tout cas, même en prenant la version officielle, il est question de 600 et quelques morts, et pourtant ça occupe une place considérable, encore aujourd'hui, puisque chaque année, pratiquement, le président de la République française s'y rend. En revanche, en Vendée, le président français ne s'y est jamais rendu pour commémorer, pour se rappeler de ce qui s'est passé et pour inviter les Français à réfléchir à ce qui s'y est passé. Ce qui est très curieux, puisque le bilan humain, vous allez le voir, est beaucoup plus considérable. Donc j'ai estimé nécessaire d'en parler. Alors, de quoi s'agit-il tout d'abord? Alors bon, il y a eu des recherches extensives qui ont été menées sur le sujet au plan historique. Il y a un auteur qui est connu en général dans nos milieux, qui est Reynald Secher, qui a payé personnellement très cher le fait de s'être intéressé il y a maintenant une trentaine d'années à ce sujet, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a interdit d'université. C'est quelqu'un qui aurait pu devenir professeur d'université et qui s'est vu barrer l'entrée à l'université par les professeurs tout simplement marxistes ou républicains qui ont redouté la portée politique de ses travaux historiques. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « Le génocide franco-français ». Il y a beaucoup de chiffres qui sont dans cet ouvrage, mais ça a amené une discussion, et voilà à peu près le portrait, très bref, de ce qui s'est passé en Vendée. Alors, je vous livre la chose, sur la base d'ailleurs d'archives qui sont disponibles aujourd'hui. Hein. Donc, entre 1801 et 1804, à la demande du ministère de l'Intérieur, les préfets et les secrétaires généraux des quatre départements concernés, donc, je rappelle brièvement pour ceux qui ne le sauraient pas, mais en 1793, les Vendéens se soulèvent contre la Convention, c'est-à-dire contre la République française nouvellement constituée, notamment, mais non exclusivement, pour deux choses. Premièrement, leur interdiction manifeste de pratiquer le culte catholique, c'est-à-dire que l'athéisme d'État, si l'on veut, est promu, et deuxièmement, une levée en masse, c'est-à-dire une mobilisation générale, si vous voulez, qui contraindrait de jeunes paysans de Vendée, et d'ailleurs en France, de s'enrégimenter pour aller à l'Est défendre la République. Or, il y a là un problème fondamental, qui est le problème de toute guerre civile, ça nous intéresse déjà à notre époque, c'est que dans une guerre civile, vous n'avez pas forcément envie de défendre votre ennemi, qui est quelqu'un qui peut vous ressembler totalement, avoir la même langue, venir du même village, mais dont vous ne avec lequel vous ne partagez rien. Et les Vendéens se sont retrouvés, pour beaucoup d'entre eux, dans cette situation-là, c'est-à-dire se voir d'abord interdire de religion, c'est-à-dire de qui était pour eux très importante, c'est-à-dire une part de leur identité leur a été refusée par l'État français, républicain, et ensuite d'aller défendre cet État républicain qui leur interdisait d'être ce qu'ils étaient. Et ça, pour eux, ça a été inacceptable. Et il y a eu un phénomène qui a beaucoup gêné les historiens marxistes, c'est-à-dire que les paysans qui, au terme du discours dominant, étaient exploités par l'aristocratie, et beaucoup l'étaient, c'est un fait, sont allés chercher leurs nobles dans leur château, parce que c'était des militaires de carrière, pour monter une guérilla et une insurrection générale contre le gouvernement républicain. Ce que plus tard on appellera la chouannerie. Et donc il y a là un élément déjà d'entrée qui est extrêmement gênant pour le discours républicain, c'est-à-dire que le peuple, la paysannerie, qui était dite exploitée, va voir ses aristocrates et les supplie de devenir leur chef militaire pour mener une insurrection contre le gouvernement républicain. Alors là le discours marxisant est en difficulté. Voilà. Donc ça, c'est la situation en 1793. Donc, en 1793, vous avez Robespierre et tous les autres qui sont au pouvoir à Paris, et donc, des mesures vont être prises, et on va envoyer l'armée, en fait, pacifier, entre guillemets, c'est-à-dire soumettre la Vendée, qui est une notion assez floue, puisqu'en fait, la région concernée va concerner effectivement 4 départements, et non pas le seul département actuel de la Vendée, hein, qui est beaucoup plus petit, ce qu'on appellera la Vendée militaire. Voilà. Donc, après les fêtes, après la campagne, bien des années après, le pouvoir napoléonien va chercher à comprendre ce qui s'est passé pour essayer d'arranger les dégâts, de réparer les dégâts, essayer de voir si des compensations peuvent être faites. Donc, il va y avoir une évaluation. Ce qui amène les chiffres suivants. Donc, entre 1801 et 1804, à la demande du ministère de l'Intérieur, les préfets et les secrétaires généraux des 4 départements concernés dressent un premier bilan démographique en soustrayant la population dénombrée en 1800 de celle dénombrée en 1790 ou 1791. D'après le résultat, on compte 50 000 morts pour le Maine-et-Loire, 49 677 pour la Loire-Atlantique, 50 000 pour la Vendée et 15 000 à 33 363 pour les Deux-Sèvres. En 1818, ces travaux sont repris par Jean-Alexandre Cavolo, préfet de la Vendée sous l'Empire. Celui-ci recalcule le bilan du département de la Vendée à 44 735 morts ou disparus, puis estime le bilan humain des 4 départements de la Vendée militaire, c'est-à-dire de la zone d'opération de l'armée républicaine, à 159 412 morts ou disparu. Selon Jacques Husnet, c'est un historien, c'est la première étude sérieuse et raisonnée sur le bilan humain de la guerre de Vendée. Alors en fait, on utilise le mot guerre, c'est très impropre et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, on parle d'une zone qui subit au minimum 150 000, des pertes humaines de l'ordre de 150 000 et il y a d'autres chiffres qui circulent qui sont bien supérieurs. Mais enfin bon, nous avons au moins cette base-là. Alors, Reynald Secher va écrire un livre. Puisqu'il est de cette région, dans lequel il s'intéresse à ce qui s'est passé. Et il va découvrir des choses qui étaient absolument cachées du grand public jusqu'alors. Mais cachées, au sens strict. C'était censuré. Occulté. Alors, voici ce qu'il dit. Il nous dit « La répression exercée en Vendée correspond en fait à un génocide légal » proto-industriel, donc de type pré-industriel, qui se manifeste par toute une série de points qui sont les suivants, et que vous retrouveriez si vous l'achetez dans son livre, qui est « Le génocide franco-français ». Alors, premier point, par le vote à la Convention nationale, donc l'ancêtre de l'Assemblée nationale à Paris, de trois lois spécifiques à la Vendée. La loi du 1er août 1793 prescrivant l'extermination des hommes, la déportation des femmes et des enfants et la destruction du territoire. Donc en gros, première loi, on tue les hommes, les femmes sont déportées et on détruit tous les biens matériels de quelque nature qu'ils soient qu'on trouve en face de nous. Ça c'est la première loi, 1er août. 1er octobre 1793. Cette loi prescrit l'extermination de tous les brigands que cette loi identifie à la population vendéenne. Par exemple, le massacre des Lucs-sur-Boulogne, dont on va parler, inclut des brigands à l'état d'embryon, de bébés et d'enfants dont 110 ont moins de 8 ans. Donc en fait, trois mois plus tard, il y a une extension de la catégorie à exterminer et on passe des hommes aux brigands. Brigand étant une notion totalement floue, qui est couplé à une zone géographique. Donc, il faut tuer les brigands. Voilà. Enfin, la loi du 7 novembre 1793, qui rebaptise la Vendée du nom de département vengé. Donc, au sens où le travail a été fait. Par la mise en œuvre de ce supposé plan d'anéantissement et d'extermination par les colonnes infernales du général Thureau aussi, donc il enchaîne les points et dit voilà, après les lois, un plan militaire est mis en place et le général Thureau y préside. Reynald Secher énumère les différents moyens proto-industriels mis en œuvre par les émissaires du comité de salut public, donc le gouvernement de fait de la République française, et de la Convention montagnarde. Alors écoutez, tout ça est attesté, attention, hein, tout ça, tout ce qu'il dit est documenté, et n'est même pas nié par les historiens républicains. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation de cela. Pourquoi ? C'est parce que Secher parvient à trouver des documents d'époque, des rapports de parlementaires français révolutionnaires en mission, des républicains en mission, qui expliquent ce qui se passe. Et qu'il écrive à la main, et c'est archivé. Et ça, c'est la grande force de ce qu'il fait. Alors, parmi ce qu'on a pu retrouver, ce que Secher énumère, donc, au pont de C, des sacs sont réalisés en peau d'homme ou de femme, des pantalons de gendarmes sont confectionnés en peau humaine. Utilisation de la peau humaine. Ça rappelle quelque chose, hein ? Bah, évidemment, c'est-à-dire que moi, comme tout le monde, j'avais entendu parler des fameux abat-jours d'Auschwitz, n'est-ce pas, confectionnés en peau de juif, avant de découvrir, en lisant la littérature révisionniste, mais qui a ensuite été reconnue par la littérature officielle, que ces histoires de têtes réduites et d'abat-jours étaient totalement fausses. Ça n'avait pas... Même le savon a été considéré comme, aujourd'hui reconnu par les historiens sérieux, comme absurde, d'accord ? Bon. Eh bien, l'histoire de l'utilisation de la peau humaine, ça s'est passé en Vendée, sous le régime républicain, en 1793. Secher évoque aussi les fours à pain, donc des villages, hein, dans tous les villages il y a des fours à pain, les fours à pain qui sont utilisés pour brûler vifs les villageois. Fours crématoires, intéressant. Des camps d'extermination sont établis à Noirmoutier, pour les opposants politiques. Alors là, ça devient très intéressant. Des essais de gazage infructueux sont réalisés par le chimiste député Antoine François Fourcroy, puis par le pharmacien Joseph Louis Proust, qui a mis au point un dispositif utilisant une boule de cuir. Ces tentatives, qui sont des expérimentations, parce que j'ai lu le bouquin de Secher, en fait, sont des échecs techniques, et donc sont abandonnés. Mais il y a eu des tentatives d'exécution par des gaz, c'est-à-dire que les révolutionnaires français, les républicains français, ont mandaté des parlementaires pour aller en Vendée et voir si on pouvait mettre en place le gazage des populations, et la réponse par les techniciens, ça a été non, on ne peut pas le faire. Mais ces expérimentations sont avérées parce que les parlementaires en ont parlé eux-mêmes de leurs propres mains, et c'est dans les archives. Alors, ça, c'est un épisode très connu. Des bateaux sont coulés dans la Loire. Ce sont les fameuses noyades de Nantes. Les mariages républicains qui consistent à dévêtir puis à lier par couple hommes et femmes avant de les noyer. Les femmes qui sont des religieuses. Donc, en fait, on prend des nonnes, on prend des curés, on les attache ensemble et on les envoie dans la Loire. À Clisson, la graisse est extraite par carbonisation des villageois, puis ensuite elle est utilisée pour faire du savon. Alors c'était un processus assez barbare et primitif, puisqu'on creusait en fait une espèce de trou, de fosse, sur laquelle on mettait une espèce de barre de fer qu'on avait trouvé ici ou là, et on foutait les cadavres en pile, et on allumait un feu, et sur la graisse liquide qui coulait, on prélevait cette graisse liquide et on essayait de la collecter pour en faire du savon. Là aussi, ce sont des expérimentations dont on sait l'existence de par la main des révolutionnaires, parce qu'ils en ont parlé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans tous ces cas-là, il y a des rapports qui sont faits systématiquement. C'est assez étonnant, mais c'est vrai. Ils font des rapports, ils signent, et on le retrouve. Alors, sur l'histoire de la peau humaine, parce que des gens pourraient nous dire, attendez, quand même, vous-même qui êtes si souvent révisionniste, vous n'allez pas avaler tout cru ce que vous entendez, ou même ce que quelqu'un comme Secher pourrait dire. Eh bien, vous pouvez le vérifier vous-même. Et c'est très peu connu du grand public, pour l'histoire de la peau humaine. Donc, dans la recension de l'ouvrage paru dans Libération du 5 juillet 2013, l'historien Dominique Khalifa reconnaît, je cite, qu'en 1794, les corps d'une trentaine de prisonniers furent tannés près d'Angers par l'officier de santé Pekel, et l'on peut trouver au musée Carnavalet deux exemplaires de la Constitution de 1789 et de 1793 reliés en peau humaine. Constitution qui comporte bien évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si vous voulez en savoir plus sur les droits de l'homme, allez voir, allez les lire sur la peau humaine des victimes sur lesquelles ils ont été inscrits. Ça s'y trouve, ça n'attend que vous, c'est au musée Carnavalet, vous n'en avez jamais entendu parler et pourtant ça existe. Les droits de l'homme tatoués sur peau humaine, c'est quand même extraordinaire. Alors là, très curieusement, hein, voilà un musée des horreurs dont on ne parle jamais. Alors là, non. Ça, c'est, on oublie, ça n'existe pas. Ça n'existe oui, mais c'est normal parce qu'en fait, si tu commences à parler de ça, on va te dire et les nazis. Donc c'est pour ça qu'ils omettent ce genre de détails. Bien sûr, mais quand on s'intéresse au cas des nazis, c'est le problème, c'est que. Parce qu'on nous a dit, oui, il y a de la peau humaine et des abat-jours. Et en fait, quand on a été voir, on s'est rendu compte que c'était bidon. Alors qu'aujourd'hui, si c'était vrai, on dirait, ben voilà, ils sont vrais, regardez, voilà un exemple, il est sous votre nez, etc. Or, tout ça a été complètement évacué parce qu'on s'est rendu compte que c'était faux. Ils ont dit, c'est trop dangereux de maintenir des bobards pareils. Donc, l'histoire du savon des camps nationaux socialistes, passé par perte des profits, même Wikipédia le reconnaît. L'histoire des abat-jours, ça a été passé par perte des profits pour les mêmes raisons. Les têtes réduites qu'on a exposées au lendemain de la guerre, en fait, étaient des têtes réduites qui venaient d'Afrique. C'était des pièces de collection. C'était en fait les sauvages d'Afrique qui faisaient des têtes réduites que les explorateurs européens avaient ramenées en Europe. Les alliés, les soviétiques, les ont utilisées. On dit, voilà, regardez ce que faisaient les nazis. Ils faisaient des têtes réduites. Ça a été débunké. Ça a été oublié. On oublie les têtes réduites. Je ne parle pas de cette fameuse survivante des chambres à gaz d'Adolf Hitler qui nous explique face caméra, archive, d'un centre d'études de l'Holocauste de Californie qui nous explique donc que les nazis faisaient des saucisses avec la viande des juifs gazés qu'ils faisaient manger aux déportés. Ne riez pas. À chaque fois, tout a été débunké. Or là, la grande différence, c'est que vous pouvez trouver l'exemplaire des droits de l'homme et du citoyen sur de la peau humaine d'une victime civile des révolutionnaires au musée Carnavalet. Vous pouvez le voir de vos yeux vus. Il est possible qu'il l'ait retiré, ceci étant dit, depuis. Je ne sais pas. Mais le pire, Gandalf, bon, je me suis un petit peu penché cette semaine sur les événements de Vendée. Le gros problème, c'est que tu peux résumer les événements de Vendée de la manière suivante. En fait, un État a envoyé son corps d'armée face à des paysans pour faire, et le terme est extrêmement faible par rapport à ce qui s'est passé, mais simplement pour faire du practical shooting, parce que ces gars-là n'étaient formés en rien, ils avaient un armement qui était totalement dérisoire, ils se sont retrouvés face à des hommes en armes entraînés, qui avaient du matériel, qui avaient de l'artillerie, qui avaient absolument tout ce qu'ils voulaient, ils se sont retrouvés cernés, massacrés, sans la moindre pitié, sans rien du tout, quoi. C'est vraiment la tuerie pour le plaisir, la tuerie. J'aurais tendance à dire que Oradour-sur-Glane est extra soft à côté de toutes les horreurs vendéennes. Oradour-sur-Glane, on a abattu les hommes, on les a fusillés parce que c'était des résistants. Là, c'est des gars qui n'avaient aucune formation paramilitaire, qui étaient des bouseux de première. On les a massacrés avec hommes, femmes, enfants, sans la moindre pitié. Rien du tout. C'est une chasse africaine, quoi. C'est un safari à Vendée. Exactement. Alors, tu parles de Oradour-sur-Glane, dont on a parlé la semaine dernière, je ne vais pas y revenir. Il faut savoir que des Oradour-sur-Glane, bon, je dis encore la version officielle est à réviser, mais pour reprendre l'expression consacrée, des Oradour-sur-Glane, il y en a un sacré paquet en Vendée et personne n'en parle jamais. Un des Oradour-sur-Glane qui est connu, c'est le massacre des Lucs sur Boulogne. Alors voilà un Oradour-sur-Glane avant l'heure, deux siècles, excusez du peu, en 150 ans avant du moins, dont on ne parle jamais. Il n'y a pas de stèle, enfin, si, probablement la population locale a érigé une stèle, mais il n'y a pas de stèle consacrée par l'État, et avec des commémorations régulières de la part du préfet et des autorités républicaines. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé au Lucs-sur-Boulogne? Je vous raconte. Le 28 février 1794, les soldats républicains, divisés en deux colonnes, entrent sur le territoire des Lucs-sur-Boulogne. La commune est alors scindée en deux paroisses, le Grand Luc, avec 2050 habitants, et le Petit Luc, peuplé d'une centaine de personnes. Face à l'arrivée des colonnes, une partie de la population court se réfugier dans la chapelle du Petit Luc. Mais les villageois ne sont guère en mesure de se défendre, la population présente compte principalement des vieillards, des femmes, des enfants, dont 109 avaient moins de 7 ans. La quasi-absence d'hommes adultes convainc les républicains que ces derniers avaient participé au combat sous les ordres de Charette. L'abbé Voineau, curé du Petit Luc, se présente alors aux soldats sur le chemin de la Malnaie, cependant ceux-ci se saisissent de lui, le torturent et les ventrent. Martin Cour décide de ne pas faire de quartier, donc c'est l'officier en charge de l'opération. La chapelle étant trop petite pour contenir toute la population, les soldats ouvrent le feu sur les personnes à l'extérieur. Puis, afin d'économiser les cartouches, lancent une charge à la baïonnette, massacrant et achevant les blessés. Les survivants se barricadent à l'intérieur de la chapelle. Les républicains incendient alors l'église. Un soldat républicain nommé Chaplin écrit dans une lettre la chose suivante. « Aujourd'hui, journée fatigante, mais fructueuse. Pas de résistance. Nous avons pu décaloter à peu de frais toute une nichée de calotins. Nos colonnes ont progressé normalement. » Donc ça correspond au programme d'éradication qui avait été décidé par la Convention, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale, et qui est très clair, hein, je veux dire, les consignes données par la Convention sont très claires. Il fallait investir la Vendée militairement, y détruire toutes les exploitations agricoles, y pratiquer en quelque sorte la terre brûlée, et exécuter toute forme de vie qu'on puisse y trouver, à l'exception éventuellement du bétail qu'on pourrait récupérer pour la République. Mais sinon, tout ce qui pouvait être vivant devait être exterminé. C'est ce que nous dit ce soldat qui nous dit, voilà, la progression se poursuit normalement. Nous sommes tombés sur un village, il y avait des gens, on les a tous assassinés. La progression se déroule normalement. C'est une campagne d'extermination, comme vous l'avez bien compris. C'est un article dans lequel Renal Séchard s'exprime auprès d'Atlantico, en 2013. Et il donne un certain nombre de précisions, donc je vous livre cet article pour en conclure sur cette histoire vendéenne, mais qui méritait d'être rappelée. Jusqu'en 1985, nous dit Renal Séchard, date de soutenance de ma thèse sur le génocide franco-français, la Vendée vengée, personne n'avait réfléchi à la nature de la répression en Vendée. Jusqu'à cette date, donc 1985, tout le monde s'accordait à ne voir en cette affaire qu'une guerre civile avec quelques débordements dus à la volonté exclusive du général Thureau, général en chef de l'armée de l'Ouest. L'initiative de cette recherche revient à un professeur alsacien, Jean Meyer, spécialiste de l'histoire moderne, qui avait découvert la Vendée militaire au hasard d'une affectation comme enseignant au lycée Clémenceau à Nantes. Choqué par le silence universitaire, il me demande d'essayer d'étudier la possibilité de faire une thèse sur le sujet de la Vendée. À partir d'un carottage réalisé à la chapelle Basse-Mer, commune natale, donc là où il est né, deux conclusions se sont imposées, donc à Renal Séchard. Contrairement au discours officiel, il existe une documentation originale, conséquente, émanant des deux côtés, c'est-à-dire tant des républicains que des vendéens. Deuxièmement, les bilans des massacres et des destructions immobilières du côté vendéen sont impressionnants, puisque cette commune, donc celle qu'il a étudiée, perd plus de 800 habitants sur 3250 et plus de 362 maisons sur 980. Donc en fait, le village a été pratiquement intégralement incendié. Jean Meyer me demande alors d'extrapoler ses méthodes, donc qu'il a fait sur sa commune natale, sur l'ensemble de la Vendée militaire, soit sur un territoire de 10 000 km² pour une population de 805 000 habitants. Ce qui me frappe, c'est de voir que les 770 communes qui constituent la Vendée militaire subissent les mêmes faits au même moment avec les mêmes conséquences. Qui plus est, les discours meurtriers des généraux chargés des opérations font tous référence aux mêmes lois et aux mêmes ordres exprimés. C'est ainsi que je découvre que la Convention a voté deux lois d'anéantissement et d'extermination de la population. La première date du 1er août 1793. Elle prescrit la déportation des femmes et des enfants et l'extermination de tous les habitants résidant en Vendée, la nationalisation de tous les biens et leur destruction. La seconde date du 1er octobre 1793, c'est un avenant à la première loi qui prescrit l'extermination de tous les habitants sans exclusion. Tout naturellement, conformément d'ailleurs au témoignage des généraux chargés de la gestion des colonnes infernales qui se mettent en marche le 21 janvier 1794, j'établis le rapport de cause à effet et en déduis que c'est un génocide, conformément à la définition des lois internationales. La découverte fortuite d'un mémoire de Gracchus Babeuf, donc ça c'était un homme d'extrême gauche d'ailleurs, rédigé en janvier 1795, et une lecture attentive des procès du député Carrier qui, entre autres, est l'auteur des noyades de Nantes et de celui du général Thureau, me persuade que ce sont les membres du comité de salut public, notamment Robespierre, Carnot et Barrère, qui sont à l'origine de ce plan d'extermination et d'anéantissement, et non pas la Convention. Faute de preuves, je ne peux aller plus loin dans ma recherche. Ce n'est que tout récemment que je découvre aux Archives nationales la preuve tant attendue. En fait, il s'agit du dossier original signé par tous les membres du comité de salut public. Non seulement je ne m'étais pas trompé dans mon analyse, mais j'avais sous-estimé les événements. En fait, la guerre civile ne dure que 5 mois en Vendée, de mars 1793, date du soulèvement, au 27 juillet 1793, date de la rédaction de la première loi. Cette loi a été conçue et par les membres du comité qui l'impose à la Convention. Pour être certain qu'elle sera bien appliquée, ce sont les députés eux-mêmes qui prennent la tête des opérations, notamment à Nantes. En fait, ce génocide dure 1 an. Dans la seconde partie de mon ouvrage, Vendée du génocide au mémoricide, mécanique d'un crime légal contre l'humanité, je traite de la mémoire et notamment de la mise en œuvre d'une politique réfléchie de mémoricide, mise au point par le comité lui-même, afin que non seulement la vérité ne soit pas connue, mais pour faire en sorte que les bourreaux soient vus comme des victimes et les victimes comme des bourreaux. Cette seconde partie est bouleversante et explique, entre autres, que ce crime n'ait jamais été connu et pire, que la République ait rendu des hommages officiels aux bourreaux. À titre d'exemple, Robespierre, Carnot, Barrère ont donné leur nom à des lycées, à des rues, à des places, une station de métro à Paris, etc. Le député Fourcroy, qui avait imaginé gazer les Vendéens, a même sa statue sur l'hôtel de ville de Paris. À l'horreur du crime, proprement dit, s'ajoute une autre horreur plus incroyable, dû à une manipulation réussie. Alors, juste pour rajouter à ce que vient de dire Reynald Secher, c'était en 2013, mais voilà, sur l'histoire de la mémoire, parce qu'on nous baratine avec la mémoire, on nous dit le devoir, demain vous avez un devoir, une obligation de vous souvenir de certains faits, nous dit-on, hein, très précis d'ailleurs. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Dans un communiqué du 18 janvier 2013, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, en fait, de la part de certains députés français, à droite, de faire reconnaître par l'Assemblée nationale française de la réalité du génocide. C'est-à-dire de demander à l'État français, à la République française, de reconnaître les faits. Ça a été systématiquement refusé. C'est intéressant. Pour un pays qui oblige la reconnaissance de la totalité des faits tels qu'allégués en ce qui concerne le génocide juif, hein, voilà, ce qui est présenté comme tel. Et puis, de même, avec le génocide arménien, qui est reconnu officiellement, hein, par l'Assemblée française. Dans un communiqué du 18 janvier 2013, Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, on parlait récemment de Daniel Obono, c'est un de ses comparses, a qualifié la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide vendéen de 1793-1794, je cite, « d'un acte indigne de parlementaire français », estimant, je cite encore, qu'il ne devait pas, il ne devrait pas avoir sa place dans la bouche de parlementaires républicains. Ça, c'est beau comme de l'antique. C'est la reconnaissance du crime. C'est-à-dire que ce que dit Corbière, qui est un ancien trotskiste reconverti dans le républicanisme dur, c'est un lambertiste, aux côtés de Mélenchon, c'est que c'est un bon génocide, et le bon génocide, mieux vaut ne pas trop en parler. Donc laissons-le bien enfoui sous les archives, n'y touchons pas trop. Car c'est indigne d'un parlementaire républicain, dit-il, avec une certaine cohérence, je dirais. Par contre, vous avez bien compris que Corbière ne tiendra pas du tout le même discours sur toute une série d'événements dont il exigera de nous, bien sûr, qu'on se souvienne avec insistance. Alors, messieurs, après avoir fait cet exposé un peu long, je vais peut-être vous solliciter. Voilà, on a parlé des Luxembourg-Boulogne, hein, voilà, donc un crime, hein, qui est commis contre les populations, dont on ne parle pas, et puis tout ce que j'ai pu citer. Qu'est-ce que vous voulez en dire, peut-être brièvement ? Vive la République. C'est un bon début, ça. C'est un bon début, effectivement. Oui, enfin, c'est... Bah, t'as bien fait de mettre ça... Comment dire, par rapport à... aux émissions qu'on a eues la dernière fois, au radeau, etc. C'est vrai que ça... Ça fait contraste. C'est-à-dire qu'on nous emmerde depuis des décennies sur un truc, bon... Enfin, une histoire de guerre, hein, entre l'armée allemande et des rouges, hein, qui étaient tout sauf innocents. Et pour ce fait, il faudrait qu'on accueille l'Afrique en France, plus que nous cessions d'exister pour que les Africains puissent eux exister, hein, à notre place. Effectivement, cette histoire franco-française, il n'y a pas la même promotion qui est faite par les instances. Même, je crois que Marine Le Pen n'en parlera pas. Hein, on va pas compter sur elle. Républicaine. Ben oui, voilà, Marine Le Pen a décidé d'en croquer, donc il faut pas s'attendre à ce que qu'elle change quoi que ce soit là, au niveau de la narration. Donc voilà. Bon, mais Derek, excuse-moi de te couper. En fait, cette histoire quelque part me rend fou de bonheur. Ça peut paraître un petit peu monstrueux ce que je suis en train de dire là, mais faut bien se rendre compte que en ce moment en France, nous avons un peuple qui est complètement endormi, qui gobe les conneries qu'on veut bien leur donner et qui à un certain moment va tenter vaguement de se réveiller. Quand il réalisera le cauchemar dans lequel il est, il aura complètement oublié ce dont son État, sa merveilleuse République est capable quand effectivement elle découvre qu'on n'est pas à 100% d'accord avec elle. Donc, je me réjouis de voir tous les gauchos, les bobos, les boomers qui brusquement se réveillent et vont gentiment se retrouver à se faire redresser la gueule par les autorités de la République parce que ils ne seront pas d'accord avec le discours en place. Ça va être joyeux. Oui, c'est un point tout à fait pertinent. C'est-à-dire, quel est aussi l'intérêt de citer cet événement, outre le fait d'interroger le fameux devoir de mémoire, qui est, je le dis, je le répète, un devoir de mémoire sélectif, c'est aussi de comprendre quelles sont les origines, quel est l'ADN du régime républicain. Car même s'il y a cinq républiques, comprenez bien que c'est la même filiation, c'est la même famille idéologique, c'est la même inclination. Voilà un régime, le régime républicain, qui est fondé à peu près à la fin de 1792, en fait. Hein. Bon, il n'y a jamais de proclamation vraiment formelle, etc. Bon, c'est légalement, c'est très confus, mais tout le monde s'accorde à dire qu'à l'automne 1792, à peu près, voilà, la forme républicaine du gouvernement est, dans les faits, actée. Et dès le printemps 1793, les premières opérations de suppression des différents opposants commencent. Et à peu près, donc le roi meurt au début de 1793, il est guillotiné, il est exécuté. Et un peu moins d'un an après la proclamation informelle de la République française, de la Première République, et voilà un État guidé par une idéologie qui est occupé à massacrer, en théorie, c'est ce qu'il aimerait réaliser, des centaines de milliers de Français, qui ont le tort de ne pas se reconnaître pleinement dans les buts du régime républicain. Alors, c'est problématique quand un régime nouveau, comme l'est la République à l'époque, hein, il y a deux siècles, est fondé, et qu'en moins d'un an, il est déjà occupé à génocider des gens, si vous voulez. Ça pousse forcément à s'interroger, est-ce que ce régime aurait quelque chose dans ses ressorts fondamentaux de génocidaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est génocidaire dans ce système? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Si vous reconnaissez que ça existait si vite après sa fondation, forcément tout le discours sur les valeurs de la République, parce qu'aujourd'hui je vous explique un petit peu, les valeurs de la République, comme vous le savez très bien, ou alors ça vous aura peut-être échappé, c'est le droit des homosexuels à la Gay Pride en plein Paris. Oui, alors, oui. Ça, c'est la version très très soft et très très fin de queue de comète de la République. La première version, au départ, si vous voulez, c'est des colonnes de soldats qui arrivent, pour une bonne partie d'ailleurs totalement invinées, et qui exécutent absolument tout sur des dizaines, des centaines de kilomètres carrés, au motif que vous n'êtes pas dans la droite ligne du régime. D'accord ? Donc là, c'est même pas des LBD, c'est pas un œil en moins, là, c'est de l'exécution systématique, on vous brûle vif, on vous éventre, on vous assassine à la baïonnette, hommes, femmes, enfants, vieillards, c'est indifférent. Ça pose question, quand même, ouais, on aurait tendance à se poser des questions. Or, le régime en France, le régime républicain, la République française a décidé de résoudre le problème très simplement, et c'est ce que dit Secher, en n'en parlant pas. Donc on n'en parle pas. Donc on reconnaît le génocide, on proclame le génocide juif, le génocide arménien, le génocide probablement rwandais, on va reconnaître toute une série, Srebrenica, donc un génocide qui a fait peut-être quelques milliers de morts, mais enfin, bon bref, et comme ça, ad vitam aeternam. Mais par contre, c'est très curieux sur le territoire français, où il s'est passé des choses très bien pires qu'à Srebrenica, notamment. Rien. Pas un mot. Et quand il y a des tentatives, et j'en ai parlé, quand il y a un parlementaire qui essaye, ou un groupe de parlementaires qui essaye de faire voter une loi pour simplement reconnaître les faits, vous avez les gens qui sont en train de s'étouffer là à cause d'une caricature sur Daniel Obono qui vous explique qu'il n'est pas républicain, de s'intéresser à ces quelques 150 000 ou 200 000 morts français assassinés par la République. Intéressant quand même, intéressant. Fulbert, tu voulais parler ? Ah oui, je voulais simplement dire, ce que d'autres auront évidemment, avec ton exposé, auront compris, mais finalement, il y a de fortes similitudes entre cette République et ses origines et le système bolchevique, bolchevique, je ne vais pas dire russe, je vais dire bolchevique. Massacre de guerre civile, massacre de population, dans le cas bolchevique, déplacement de population, il y a quand même de sérieuses similitudes. J'ai l'impression, en t'écoutant, que quelque part, la République est un système bolchevique qui a réussi à ne pas disparaître, contrairement au bolchevisme russe, enfin russe, on s'est compris, sachant que le bolchevisme, c'est du communisme juif. Mais bon, moi j'y vois de fortes, comme je l'ai dit, j'y vois de sérieuses similitudes. Et pour confirmer cette observation, c'est que, curieusement, l'extrême gauche est parfaitement supportée dans le spectre politique républicain, alors que l'extrême droite ne l'est pas et passe pour le diable. Est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose à ajouter à ça ? Pour moi, je ne crois pas. Tout à fait. Oui, j'aime bien ta formule. Hein. La République française, c'est une Union soviétique qui a réussi. Voilà, c'est... Elle a commis ses crimes, elle a réussi à perdurer, elle les a effacés, et voilà, et point à la ligne. Et elle continue par ses universités à former les futurs dictateurs de demain. Oui, non mais tout à fait, mais c'est-à-dire que ce sont, comment dirais-je, mais enfin c'est pas par hasard si la France est devenue la matrice de l'extrême gauche révolutionnaire internationale ces deux derniers siècles. C'est pas un hasard, il faut bien comprendre que c'est là où tout a commencé. Ça n'a pas commencé en Russie. Si vous intéressez d'ailleurs aux communistes russes, dont beaucoup d'ailleurs étaient des juifs en réalité, mais si vous intéressez à leur cheminement intellectuel, vous découvrez que ce sont des gens qui étaient très inspirés des révolutionnaires français et ensuite des idéologues révolutionnaires français du 19e siècle. L'influence des Français sur la Révolution mondiale a été considérable au plan idéologique, même si d'autres nations ont joué un rôle. Mais je veux dire, il ne faut pas perdre ça de vue, quoi. Hein. Si la France est si à gauche aujourd'hui, parce que pour moi, à mon sens, à l'exception de pays très particuliers, hein, comme le Venezuela et d'autres, dont on peut d'ailleurs se demander si dans les termes réels, ils sont si à gauche que ça, d'ailleurs. Mais la France est un des pays les plus à gauche du monde, et en ce qui concerne le monde occidental, le pays le plus à gauche du monde. Alors, on va peut-être me citer la Suède, etc., mais je crois même que la Suède, en réalité, n'est que partiellement à l'extrême gauche, c'est un fait, mais que partiellement, et que dans certains domaines, elle reste finalement très épargnée par ces théories-là, alors que la France vraiment est innervée par l'idéologie révolutionnaire égalitariste. Hein. Ça me paraît évident, au point de devenir une culture. Ce qui me rappelle le propos de François Hollande en 2012, quand il était face à Nicolas Sarkozy au deuxième tour, Vous savez, bon, il y avait une espèce d'échange de mots comme ça, à fleur et moucheté, avant le débat. Et donc, en tribune, les uns et les autres prennent des positions. Et à un moment donné, on demande à François Hollande, alors, enfin, de manière rhétorique, bien sûr, c'est lui qui le dit dans son discours, il dit, c'est quoi l'identité de la France? Parce que Sarkozy essaie de... avait utilisé, vous savez, le thème de l'identité nationale pour faire du pied à l'extrême droite, même si c'est un mec... qui n'est pas du tout d'extrême droite, Sarkozy, bien sûr. Hollande avait répondu en disant quelle est l'identité de la France ? L'identité de la France, c'est l'égalité. Ça, c'était, mais résumé absolument tout de la France telle qu'elle est réellement. Même s'il y a des Français qui ne pensent pas comme ça, la mentalité dominante, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle les médias s'expriment comme ils s'expriment, pour une bonne part, pourquoi l'éducation nationale produit ce qu'elle produit, etc. C'est-à-dire que quand Hollande a dit ça, ce n'est pas faux. C'est devenu vrai. Par la force des choses, c'est devenu la réalité. L'identité de la France, c'est l'égalité. C'est un fait. Sous l'action révolutionnaire, l'identité de la France est passée d'une identité... comme il y en avait dans des tas de pays d'Europe, une identité constitutive, historique, organique, si on veut, une identité traditionnelle, a été remplacée par un système idéologique qui a à sa base un principe qui est l'égalité et l'égalitarisme. Et c'est devenu la culture française. Donc c'est terrible, parce qu'en fait, la culture française a été oblitérée par cette espèce de proto-bolchevisme qu'est la Révolution française. Et le jacobinisme, quoi, hein, de Robespierre. Et on comprend que dans un environnement comme celui-là, ah bah forcément, les crimes de masse commis par le régime républicain pour s'imposer sont complètement évacués. Alors, ils ont beau jeu de parler de négationnisme, tous ces gens-là. Moi, quand je vois Castex hurler au négationnisme, Darmanin, ils ont beau jeu. Les types, ni même l'existence du génocide vendéen. Ils en nient l'existence, alors que sa réalité est avérée et indiscutable. Donc, vous voyez, c'est... Et c'est très important, puisqu'il faut toujours interroger les gens qui nous accusent doivent toujours être interrogés et soumis eux-mêmes à la question. D'accord ? Il faut quitter la posture défensive et passer à l'offensive et dire, attendez, là, vous parlez de négationnisme, attention, moi j'ai des choses à vous poser comme question, j'ai des questions à vous poser sur le thème du négationnisme. Qu'est-ce que vous pensez de l'extermination systématique des Vendéens par la République en 1793? Vous allez voir des gens se décomposer face à vous, si vous posez ce type de questions. Ils n'auront rien à dire, aucun argument, rien. Ils diront, vous êtes un fasciste, et puis au revoir, c'est tout. Ça s'arrêtera à ça, quoi. Mais... tu as cité la culture française, la culture du peuple français. Cette république est réellement mortifère. Parce que je rappelle quand même qu'avant la Révolution française, la culture française rayonnait sur le monde occidental et même oriental. Or, à partir du moment où il y a eu la Révolution française, qui n'a pas survécu à l'Empire et qui est revenu peu de temps après, finalement, parce que qu'est-ce que c'est que quelques décennies dans l'histoire? Qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui a succédé à la culture française en Europe et même dans le monde? C'était la culture allemande. L'Allemagne qui, à cette époque, n'était pas révolutionnaire, qui était impériale, ou qu'il l'est devenu en tout cas très vite. La Révolution française, pour moi, a véritablement détruit l'esprit français. Je m'avance peut-être un peu fort, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais j'observe, et je vois que cette révolution a détruit l'esprit français, et l'a laissé être remplacé par l'esprit allemand. Oui, au sens où tu veux dire que la culture allemande a succédé à la culture française comme prédominante en Europe, c'est ça que tu veux dire, au 19e siècle, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Bah, c'est un fait, c'est un constat empirique, hein, je veux dire, au bilan, entre 1789 et 1815, même s'il y a eu l'épopée napoléonienne qui a pu donner le change, en réalité, après Napoléon, la France n'a fait que décliner. Donc, relativement, parce qu'elle a quand même pu... Elle a décliné en Europe, mais elle a pu ensuite se constituer un empire colonial, etc. Donc, pendant encore un siècle, elle a pu faire semblant d'eux, mais bon, la guerre 14-18 a définitivement achevé la bête, quoi. Enfin, pratiquement achevé, parce que 1940, ça a été le dernier clou dans le cercueil. Alors aujourd'hui, en fait, on est en train de discuter au milieu des décombres, hein. Il faut pas se mentir. D'ailleurs, ça me rappelle le bouquin de Rebattet, hein, Les décombres. Au fond, c'est ça. Tout est résumé là-dedans. Hein. Et au milieu des décombres, eh ben, nous voilà, nous, cernés entre les nègres et les juifs. Voilà. Et on part d'une situation où il y a deux siècles, où effectivement, la France était la plus grande puissance du monde, hein, et la plus grande puissance culturelle. En 200 ans de démocratisme, le bilan. Et on nous dit, ah oui, mais attention, si la situation ne va pas aussi bien qu'on l'espérerait aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas appliqué assez fidèlement le programme démocratique. Il faudrait en faire davantage dans le démocratisme pour vraiment atteindre enfin, l'acmé. Bon, ces gens sont des fous. Ce sont des dangereux, et je dis que la gauche française est un ramassis de brigands et de terroristes, d'ailleurs atteints de crétinisme au dernier degré, qui sont vraiment des pyromanes, et dont le seul goût dans la vie est de tout détruire. Ces gens ont pratiquement réussi, ou même totalement réussi, je veux dire, ils ont tout anéanti. Ouais, ils ont exporté leur miasme à travers l'Europe, comme chez Napoléon. Et il continue maintenant, il n'y a rien à faire. Je prends, disons, ceux qui sont les premiers touchés, c'est mon cas, hein, je suis bien placé pour le savoir, ce sont les régions francophones du monde qui ont des liens avec la France, parce que par la langue, mais aussi donc par les médias, malheureusement, les médias étant corrompus jusqu'à la moelle. Et ces médias transfèrent les miasmes républicains en Suisse romande, en Wallonie, au Québec. C'est quand même extraordinaire. Bah, récemment, j'ai vu que les parlementaires français du groupe La République En Marche ne sont pas les seuls, hein, mais ils jouaient un rôle vraiment très moteur en faveur du LGBTisme en Pologne. Et je veux dire, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Du point de vue français, je veux dire, pourquoi en faire des caisses là-dessus? Je comprends qu'il y a, on va dire, une classe mondiale ou une classe internationale globalisée, où le LGBTisme est un point dogmatique, d'accord, mais pourquoi la France en fait autant? Pourquoi c'est pas l'Espagne? Pourquoi c'est pas l'Irlande? Je veux dire, pourquoi? Bah, parce que cette espèce de d'esprit missionnaire républicain révolutionnaire est toujours là. Et donc, ils veulent aller en Pologne, parce que c'est un pays catholique, encore aujourd'hui, traditionnel, dira-t-on, comme la France d'avant, et ils veulent le détruire. C'est une soif de destruction. Et de la même façon, ils sont en train d'exporter leur nègre et leur métèque. Donc, franchement, à tout point de vue, c'est le républicanisme est une catastrophe. Donc, il faut absolument faire il faut dresser le bilan, l'inventaire du républicanisme en France et de la démocratie en France. Il faut aussi analyser ce que cette même République française fait, et il faut analyser les mensonges qui sont les siens pour maquiller ses crimes. Parce que quand elle se permet de donner des leçons de morale en prétendant une espèce de piédestal, comment dirais-je, moral, pour accuser un tel ou un tel de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, attention, je veux dire, il faut aller regarder du côté de ce qu'elle a fait. Il faut aller regarder du côté de ce qu'elle a fait. Je veux dire, en termes de destruction, la République française est très mal placée pour donner des leçons. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple qui est un petit peu à contre-courant de nos courants d'opinion d'habitude. C'est relatif à la colonisation. Alors, vous savez, tous les ans, il y a toujours une excuse hein, pour fêter la libération de la France, nous dit-on, en 1944, bien sûr, du fascisme et du nazisme, bien sûr. Et je suis comme ça toute une série de caciques sociodémocrates, républicains, centre-droit, dans des groupes de réflexion, des diplomates. Je suis un petit peu tout ce monde-là, et je regarde comment ils communiquent entre eux. Et alors, ils étaient en train de se féliciter parce que il y avait le... Comment dirais-je, le nègre Eboué, qui s'était le premier rallié à la France libre pour le Tchad, à De Gaulle, au tout début de la guerre. Une espèce d'insanité. Alors, pour ces gens-là, c'est très très important. Alors, il parle de libération. Il dit, voilà, il se rallie à la France libre. Ben, c'est bien gentil, mais le Tchad est une colonie, à cette époque. Les nègres du Tchad n'ont aucun droit à cette époque, sous la tutelle française. Donc, vous voyez, ces gens n'ont aucune espèce, vous voyez, de recul par rapport à eux-mêmes, mais ni aucune pudeur. Donc, les types, très tranquillement, vous expliquent que, bon, voilà, le Tchad était une colonie à ce moment-là. Les peuplades qui s'y trouvaient n'avaient bien évidemment pas le droit de citer sur les affaires les concernant. Mais que parce qu'un nègre auquel on avait collé un uniforme s'est rallié à De Gaulle, c'est l'expression la plus pure de la liberté. Eh bien, cette bourgeoisie parisienne, mais a le don de se branler sur des trucs, c'est effrayant quand même. C'est effrayant. Et en cela, elle est incroyablement prévisible. On se demande même comment ce système peut avoir tenu aussi longtemps. J'aimerais rappeler d'ailleurs un sujet. J'ai vu sur les réseaux sociaux déjà depuis un moment, il y a une caricature qui court. Cette caricature représente un couple de Français particulièrement soignés, un homme et une femme donc, oui, qui sont dans une espèce de creux, comme dans un zoo, et au-delà de ce creux se trouvent des spectateurs qui les observent. C'est la France avec 100 ans. Donc, c'est une caricature qui paraît dans un journal ou une revue allemande de 1920 et qui annonce voilà ce que sera la France dans un siècle. Le siècle est passé, nous y sommes. Et on voit ces nègres, il y a dedans un garde républicain, il y a des hommes, des femmes noires, eux-mêmes un ou deux gosses, qui observent les deux Français enfermés dans le zoo. Et la caricature indique ce que sera la France dans 100 ans. Ce qui montre que c'est tellement prévisible. Aujourd'hui, nous y sommes. Il y a des nègres partout, dans la police, dans l'armée, dans les institutions, dans la politique. Tu viens d'en parler, etc. Des nègres et d'autres, pas seulement des nègres. Et voilà, la République y est arrivée. Et ce sont quelques journalistes allemands et un caricaturiste qui avait imaginé cela il y a un siècle d'ici. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi aussi. Moi aussi. Bah, il n'y a pas que ce caricaturiste hein, qui a vu ça. Hein. Adolf Hitler, dans Mein Kampf en 1925, il annonce que dans 300 ans, la France sera l'équivalent du Congo. Hein. Oui, mais voilà, il dit 300 ans, il est encore gentil et pondéré. Par bienveillance, mais c'est pour vous dire la bonté du Führer, mais c'est... Je veux dire, quand il écrit que la France va devenir une excroissance du Congo, ce n'est pas une expression, ce n'est pas une figure de style, c'est un propos à prendre au premier degré. D'ailleurs, les diplomates français ont souvent essayé de le convaincre, de modifier... ces passages-là sur la France, il a toujours refusé. Très courtoisement, hein, je ne veux pas changer cette partie-là. Parce qu'en fait, le Führer avait vu, il avait de la prescience. Adolf Hitler était un génie, probablement un des plus grands génies qui ait jamais vécu en Europe. C'est indubitable, et il l'avait vu comme ça, mais le temps d'un claquement de doigts, ce qui allait advenir. Pas besoin de faire de grandes théories, voilà. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'aujourd'hui, la République, moi je ne dirais pas la France, je dirais plutôt la République, elle est le noyau de la politique d'africanisation de l'Europe. Totalement, mais sous contrôle juif, précisons-le toujours. Je sous-entends que, oui, d'accord, c'est vrai, j'aurais dû préciser, mais il était sous-entendu que dans la République s'ébrouent de nombreux poissons d'origine douteuse. Je veux dire des macros. Alors messieurs, je vous propose de peut-être de terminer en parlant un peu des États-Unis. Où la campagne électorale devient en fait extrêmement violente. Hein. Là, on parle maintenant d'affrontements armés. Hein. On a quand même changé de division au plan politique aux États-Unis. Donc, comme vous le savez tous, hein, voilà, en novembre 2020, il y aura des élections. Donald Trump se présente à sa propre réélection. Tandis que Joe Biden, pour le Parti démocrate, qui est l'ancien vice-président de Barack Obama, veut devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire président des États-Unis. Alors il y a un climat absolument délétère qui a été alimenté depuis 4 ans par la presse qui est intégralement, totalement acquise au Parti démocrate, et pas seulement au Parti démocrate. Bien sûr, il y a des intérêts financiers derrière, et il y a aussi ce qu'on appelle l'état profond, mais on pourrait y ajouter la Silicon Valley, les grandes entreprises de l'Internet. Tout ce monde est mobilisé contre Donald Trump. Alors, je ne vais pas faire un bilan de l'action de Donald Trump, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse ici, c'est les moyens auxquels recourt maintenant ouvertement l'état profond pour déstabiliser cette campagne. Et il est très clair, et les déclarations sont de plus en plus précises à ce sujet, que quel que soit le résultat en novembre, il ne sera pas reconnu par les parties prenantes du Parti démocrate, puisque, comment dirais-je, encore récemment, Hillary Clinton a dit que Joe Biden ne devait sous aucun prétexte concéder la victoire à Donald Trump. Donc, clairement, le vote n'a plus aucune importance aux États-Unis, donc on en est à cette phase-là de l'histoire américaine. Ça nous concerne directement puisque nous sommes dans la sphère américaine, que ça nous plaise ou pas. Et donc, dans l'épicentre de la démocratie, Hillary Clinton, donc la femme de l'ancien président Bill Clinton, nous dit à tous, hein, publiquement, hein, tout ça est fait lors d'une interview, que les élections sont quantité négligeable, ce n'est plus ce qui importe. Sur ce, donc, la tension monte. Il s'agit de créer les troubles. Et alors, deux incidents ont eu lieu. Premièrement, à Kenosha, dans le Wisconsin, où des émeutes raciales ont lieu suite à la mort d'un noir qui a été, comment dirais-je, j'ai oublié son nom d'ailleurs, Jacob Blake, je crois, ou un truc comme ça, j'ai complètement oublié son nom. Oui, Jacob Blake, oui. Jacob Blake, qui a été assassiné donc de 7 balles dans le dos par la police. Alors, dit comme ça... Attends, il est mort Ah non, pardon, autant pour moi, oui. Donc, un noir a été donc abattu par la police et il est actuellement à l'hôpital. Alors, il a reçu 7 balles dans le dos, évidemment, la presse s'est emballée en disant que puisque le policier était blanc et que la victime était noire, eh bien, c'était par construction raciste. Évidemment, il n'y a pas le moindre début de racisme avéré dans cette affaire, c'est-à-dire que le policier n'est pas connu pour être raciste, n'a pas fait de déclaration raciste lors de cet incident. Ce sont les médias qui construisent, après les faits, un discours prétend aux policiers des intentions racistes. Mais c'est une construction médiatique. À aucun moment, ce policier n'a tenu de propos racistes ou n'est connu pour un engagement à caractère raciste ou nationaliste ou d'extrême droite. Bien. Alors, donc, il a été abattu dans le dos. Alors, évidemment, dit comme ça, on va se dire, ah oui, mais quand même, c'est un peu fort de café, c'est une violence policière inacceptable. Oui, sauf que, bien évidemment, l'arrestation avait lieu dans le calme au début. Le nègre a fait le nègre et a refusé de coopérer. Il a dit au policier qu'il avait un couteau dans sa voiture. Il s'est rendu dans son véhicule. Le policier est intervenu et a dû l'abattre. Et au miracle, on a découvert par la suite qu'il y avait bien un couteau dans sa voiture. Donc voilà, un nègre, comme beaucoup d'autres, j'ai envie de dire. Et là, oui, un nègre irraisonnable comme George Floyd, comme Floyd, voilà, ouais. Tout un tas d'autres qui ne peuvent pas, dans une société où ils sont présentés comme étant des dieux, ils ne comprennent pas que quelqu'un, ma foi, les empêche d'être, d'exprimer leur divinité. Quand les flics les interpellent, il va chercher un flingue ou alors il va chercher une lame, peu importe. Mais au final, on doit pleurer parce que les nègres sont les nègres. Bon, c'est fatigant au final. Hein. Ça rejoint Daniel Obono, c'est-à-dire que c'est la négraille capricieuse. Ces gens sont des enfants. Ces créatures sont de grands enfants, très capricieuses, et quand on refuse de céder à leurs caprices, ils s'énervent, deviennent hystériques et se mettent à menacer les gens, voire parfois même les tuent. Hein, voilà. Mais ce sont aussi des gens très stupides ou des créatures très stupides. Et ce Jacob Blake, qui aurait dû faire ce que font les Blancs la plupart du temps, c'est-à-dire coopérer, a préféré dire aux policiers, voilà, j'ai un couteau dans ma voiture, je vais maintenant aller dans ma voiture pour prendre ce couteau, pour vous le planter dans le cœur. Oui, alors le policier n'est pas obligé de rester passif face à une telle situation. Bon, les médias juifs, visiblement, ont un problème à ce niveau-là, ils reprennent tel quel le discours des nègres. Bien évidemment, à dessein, puisqu'ils veulent les pousser à l'émeute. Ce qu'il s'est passé, nous avons eu une émeute. Pendant des jours et des jours et des jours, des commerces ont été détruits, des commerces de blancs, hein, bien sûr, et il est systématiquement question, quand vous lisez la presse française, hein, de manifestants pacifiques. Hein, ils sont pacifiques, et ce sont des manifestants antiracistes. Donc à partir du moment où ils sont antiracistes, ils sont du côté du bien. Voilà, donc on ne parle pas de ce qu'ils commettent, hein, qui sont du pillage, des attaques, il n'y a pas eu de meurtre, mais il y a eu des attaques. Et il y a eu des milices qui se sont mobilisées, et notamment un des jeunes qu'on a vu là, Kyle, qui d'ailleurs est d'origine hispanique, hein, faut le préciser, et qui appartenait à une milice, qui habitait pas loin, et qui avait voulu protéger des commerces dans cette ville après des jours et des jours d'émeutes. Et il a été pris à partie par des antifas, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, c'est maintenant enregistré en vidéo, on le sait. Et il a réagi en abattant un premier antifasciste qui s'appelait Rosenbaum. Oui, qui est condamné pour abus sexuels sur mineurs. Bon, c'est particulier. Donc il l'a abattu d'une balle dans la tête, alors que celui-ci allait arriver vers lui pour lui sauter dessus et l'agresser, quoi. Alors évidemment, tout ça a été escamoté hein, par les médias, hein, pas de coup de feu, pas d'agression, hein, c'est l'extrême droite violente qui tue, donc les suprémacistes blancs hispaniques, hein, vous avez bien compris. Et ensuite, il a appelé la police immédiatement, et il a quitté les lieux, c'est-à-dire qu'immédiatement après le tir, il appelle la police, il dit « voilà, je pense que j'ai abattu un homme », voilà, et ensuite il se retire. Et sur son chemin, alors qu'il se retire de la zone, les antifas le poursuivent, et là, un skater lui saute dessus pour le tabasser, et là encore, il se défend et là-bas. Alors, on apprendra plus tard que ce fameux skater s'appelait Anthony Huber, qui était aussi juif. Le hasard, hein, le monde est petit. Et dans la foulée, un autre homme se dirige vers lui, qu'il blesse à l'arme à feu. Et sur l'image, on voit en fait qu'il arrivait près de lui avec une arme de poing de type Glock pour l'abattre. Et on apprendra plus tard aussi que cet homme s'appelle Kreutz, et qu'il est aussi d'origine juive. Donc ça fait quand même beaucoup de monde d'obédience juive chez les antifascistes, enfin bon, c'est comme ça. Et depuis, il est présenté comme un fasciste, un trumpiste pur sucre qui ne pense qu'à une chose, c'est assassiner des gens gratuitement. Moi, je lis les réactions. C'est voilà l'extrême droite en armes, l'extrême droite armée, comment dirais-je, les tueurs de masse, les néo-nazis. Enfin, il n'y a absolument dans la presse française aucune espèce de contextualisation. Les faits disparaissent, devoir de mémoire sélective oblige. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez en dire de cette affaire ? Mais les sales juifs, comme d'habitude, ces gens n'ont aucune reconnaissance pour rien du tout. Regarde, l'Allemagne les a envoyés apprendre des métiers dans des camps en Pologne, pour apprendre de la mécanique, pour apprendre des tas de choses intéressantes qui leur auraient permis d'avoir un avenir professionnel. Même ça, ils sont pas d'accord. Et mais non, aux États-Unis, ils foutent la merde parce qu'ils sont pas d'accord. Ceci dit, ton analyse est parfaite, mais moi, j'attends avec impatience les élections américaines. Parce que le jour des élections américaines, le résultat, c'est très simple. Soit Trump gagne, et c'est la guerre civile, c'est-à-dire que les antifas vont se confronter aux vrais Américains et aux vrais Blancs, et on va pouvoir les accueillir comme il se doit, ou alors Trump perd, et alors là, c'est l'inverse, et ça promet d'être chaud. Mais dans les deux cas, on est parti pour la guerre civile aux États-Unis. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Et si ça chauffe aux États-Unis, par c'est contre, parti ici aussi. On va chauffer en Europe aussi. Et c'est à souhaiter. Oh que oui. Alors, à Portland, bastion antifasciste, il y avait des sympathisants pro-Trump qui avaient décidé de créer une caravane, ce qu'ils appellent une caravane militante, circulant avec des drapeaux pro-Trump, etc. Il y avait quand même pas mal de monde, on parle quand même de centaines de personnes. Véhiculés, qui faisaient la promotion de leur, du candidat de leur choix et qui avaient annoncé leur intention de passer par le centre-ville de Portland. Ils sont tombés sur un traquenard antifasciste, comme d'habitude, donc l'extrême-gauche leur a tendu un traquenard, avec l'aide, bien évidemment, du Parti démocrate, ça va sans dire. Et là, il y a un militant pro-Trump qui a été abattu en pleine rue, froidement, c'est un assassinat. Assassinat simplement parce que c'est un pro-Trump. Ce n'est pas un néo-nazi, je précise, c'est pas un néo-nazi ou quoi que ce soit. C'est un homme qui appartient à un mouvement qui est conçu, qui est un mouvement de droite conservatrice pro-Trump. Il a été assassiné dans les rues de Portland. Et là, curieusement, je me suis intéressé à la couverture médiatique. Alors les mots sont les suivants. La mort d'un homme lors d'une manifestation antiraciste. Ça, c'est les titres. Donc, à Kenosha, dans le Wisconsin, c'est l'extrême droite arme, l'extrême droite prend les armes, etc. Donc, tuerie de masse, etc. Et à Portland, c'est manifestation antiraciste, un mort. Bon, tu vois des militants d'extrême gauche qui ont des Glock, qui devant les caméras, les exhibent, etc. Tout ça n'existe plus. Ça, les médias n'en parlent pas. Donc le parti pris, voilà, donc ces gens-là qui parlent de fake news, qui parlent de désinformation, qui accusent tous ceux qui les dérangent de complotisme, de manipuler la vérité, c'est-à-dire, ces gens font ça H24. Alors bon, entre Kenosha et Portland, l'ambiance est, comme tu l'as très bien dit, cher Diabolix, clairement à ce qui ressemble à une guerre civile. En tout cas, les premiers symptômes se manifeste assez clairement. Je ne sais pas si elle se concrétisera au terme de cette élection, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de violence. Qui veut dire quelque chose sur tout ça ? Moi, j'aimerais rappeler une petite chose qui a été signalée il y a déjà pas mal de temps dans l'émission, mais qu'il est bon quand même d'avoir à l'esprit. C'est que, avant l'élection de M. Trump, les Américains n'avaient aucune idée de ce qu'était un antifa. Oui. Et les antifas sont apparus pour, contre Trump. Faut être logique, faire des manifs, etc. On a su très tôt que les antifas en question étaient rémunérés, paraît-il, par M. Soros, exactement comme l'étaient les Femen en Europe. Hein, vous savez, cette pétasse qui se dépoitraille. D'ailleurs, à propos des phéromones, je crois qu'elles sont apparues aussi en Biélorussie, mais vu les mœurs du pays, elles n'ont pas jugé bon de se dépoitrailler. Mais je crois qu'elles étaient là. Enfin, j'en reviens aux antifas. Ces antifas sont rémunérés, ça on le sait. Et il est un fait que dans les milieux juifs qui est une secte où il y a une belle proportion d'activistes, il est un fait que s'il faut trouver des activistes en les rémunérant et les faire bouger, c'est surtout chez les juifs qu'on va les trouver. Donc il n'y a pas de véritable surprise à ce que les trois Gus qui étaient en première ligne et qui se sont fait dégommer par Kyle, j'ai oublié son nom, Rittenhouse, je crois, ce n'est pas illogique que ce soit trois juifs. Oui, et puis rappelle-toi que la personne qui gérait la collecte des dons suite à la mort de George Floyd est une juive condamnée pour terrorisme et graciée par Bill Clinton, tu t'en rappelles? Oui, je ne tombe plus sur son nom, effectivement, mais oui, effectivement. Donc, c'est le bolchevisme hein, qui s'attaque aux États-Unis. Hein. Là, c'est bon, au niveau financier, culturel, ils étaient déjà là. Là, c'est jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire qu'ils mènent leur rejeton. Révolutionnaire, il est lâche dans les rues. Bon, c'est... Oui. Et si ces gens ne bougeaient pas avant l'arrivée de M. Trump, c'est tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existaient pas en tant que tels, ils n'étaient pas activés. Vous savez, les Américains, ils n'étaient pas activés parce que c'était leurs amis qui étaient au pouvoir, tout simplement. Moi, sur ce que tu disais, Eric, je me reconnais totalement. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les Américains ont été bienveillants avec les Juifs, ils les ont accueillis au 19e siècle et au 20e siècle. Ils ont laissé ces gens prospérer. Et ce que l'on voit actuellement devant nos yeux, c'est ce qui s'est passé en Russie, en 1917, en 1918. C'est-à-dire que ces gens, d'abord, évidemment, n'ont aucune forme de gratitude. Ensuite, tout à l'inverse, ils ont une profonde inversion, une profonde haine pour tout ce qui n'est pas eux. À plus forte raison pour les sociétés qui les accueillent. De la même façon qu'ils concevaient une haine inextinguible pour la Russie tsariste, ils conçoivent une haine absolue pour l'Amérique américaine, c'est-à-dire l'Amérique fondée par les Blancs. Ils veulent la détruire comme ils ont détruit la Russie traditionnelle tsariste. Et ils emploient tous les moyens pour cela, c'est-à-dire le terrorisme de rue, on l'a vu. Il y a ce jeune homme qui n'a pas voulu tuer des juifs, c'était pas ça qui le motivait. Il abat trois personnes, il en tue deux. Il se trouve qu'il gagne la loterie, il y a trois juifs sur trois, c'est quand même assez surprenant. La guerre raciale fomentée dans le cas des élections sur la base de la mort, d'ailleurs totalement montée, mise en scène de George Floyd, on découvre que la personne qui collecte les dons est une terroriste d'extrême gauche d'origine juive. Bien, je ne parle même pas des médias américains et de ceux qui les contrôlent, je pourrais y passer comme ça beaucoup de temps. Donc, si vous voulez, on est face à un véritable coup d'État juif. Encore une fois, une révolution juive, ni plus ni moins. C'est ça qui est en train de se passer. Et en plus, tu l'avais signalé dans l'émission précédente, il y a l'organisation Black Lives Matter qui est contrôlée en arrière-plan par plusieurs juives, trois juives. Bien évidemment, c'est systématiquement le même schéma. Donc voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que Trump ne soit plus président, non pas parce que Trump pourrait prendre des mesures actives extrêmement gênantes pour le système, mais parce qu'il constitue une espèce de frein, je crois d'ailleurs notamment vis-à-vis de la Russie et notamment vis-à-vis de l'Iran, parce que on l'a vu, à la fois Trump utilise l'embargo, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas employer de moyens militaires directs. Je ne suis pas sûr que la juiverie goûte cette modération militaire. Je pense au contraire que les juifs estiment qu'un président américain doit par définition être le serviteur de la race juive et d'Israël, et qu'il doit donc initier des guerres quand c'est nécessaire, quitte à faire mourir donc des blancs. C'est pas vraiment dérangeant, hein, si l'on en croit le Talmud. Donc voilà, on en est là. Et donc ils veulent se débarrasser de Trump, bah, en dépit de toutes les concessions qu'il a faites à la juiverie, en dépit de sa judéophilie, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ou on se sépare? D'accord. Mort aux juifs. Oui, je voudrais un petit truc en passant. Je me demande jusqu'à quel point Trump n'est pas plus malin qu'eux, dans le sens où, dans toute l'histoire, si vous regardez l'activisme politique juif, vous constatez que les juifs ont une méthode particulière que quelqu'un avait résumé par une image en disant, voilà, lorsqu'il y a crise, guerre, etc., affrontement, les juifs sont toujours dans les deux mâchoires de la tenaille. Oui. Je me demande si Trump, quelque part, ne joue pas avec cette idée. Quand on regarde son entourage, quand on regarde ce qu'il affronte, on pourrait se poser la question. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Bon, on en saura plus prochainement. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine.